Discussion en conscience. Bonjour pour les gens qui nous écoutent présentement. Ici David en compagnie pour une première discussion d'Annick. Alors, ça va bien? Oui, ça va bien, David, et toi? Oui, ça va très bien. Donc, d'entrée de jeu, ce que je peux mentionner par rapport à elle, c'est qu'elle a un blog dont vous allez retrouver les coordonnées en bas de la vidéo présente. Donc, si tu peux brièvement nous parler de ton blog. Oui, donc, c'est ça. Moi, depuis que j'ai découvert la conscience supramentale, j'ai eu besoin de mettre par écrit là, ce que je vivais en lien avec les expériences. Donc, pour moi, là, ça facilite beaucoup l'intégration. Puis, c'est sûr que je parle beaucoup de mes expériences personnelles, là, parce que présentement, j'en suis surtout là, là à intégrer puis à observer dans mon quotidien et tout ça, qu'est-ce que la conscience justement apporte avec ma fille et tout ça. Fait que je raconte beaucoup d'événements personnels là, qui m'arrivent. Donc, c'est surtout dans cette conscience-là que j'ai fait mon blog. Là, au départ, c'était plus pour moi que pour que ce soit diffusé ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce blog. Excellent. Donc, c'est sûr qu'en préparation à l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai pris connaissance de son blog et ce que je vois, c'est que c'est beaucoup des anecdotes en lien avec ton vécu, un peu comme un journal personnel, mais dans une optique de partager des prises de conscience que tu fais là, au jour, au quotidien. Oui, parce que, mais en tout cas, tu sais, si je me fie à mon expérience personnelle au début, des fois, on est un peu désorienté, tu sais, face à tout ce qu'on apprend, puis l'absorption de, tu sais, ça se fait quand même assez rapidement. Moi, j'ai découvert ça cet été. Puis par la suite, là, c'est comme si on devient un peu, pas obsédé, mais happé comme par cette conscience-là. Puis on apprend beaucoup de termes, beaucoup de choses. Puis je pense que, tu sais, les gens, des fois, sont un petit peu dépourvus. En tout cas, moi, je l'étais. Fait que je trouve que de mettre ça en, justement, en expérience personnelle et tout ça, tu sais, voir qu'est-ce qui se passe au jour le jour, au fil du temps, avec cette intégration-là, ben je trouvais ça intéressant, en tout cas, pour moi. Peut-être pour d'autres personnes aussi, là, tu sais, qui vivent, justement, cette intégration-là. Au tout Oui, début, en tout cas, du processus, là. mais ça peut être utile aussi tout le long du processus parce que à travers l'écriture, ça amène à se positionner par rapport à son expérience, tu sais, à faire un retour dessus à des fins d'intégration. Donc moi, c'est sûr que ce type de démarche-là, je trouve ça intéressante. Puis moi-même, je tiens un journal personnel. Par contre, j'en ai pas tellement publié. Je préfère publier des textes plus impersonnels là, sur mon blog, dont vous allez retrouver les coordonnées en bas de l'enregistrement. Mais peut-être un jour, je me déciderai là, à en mettre davantage. En tout cas, je verrai avec le temps. Sinon, avant que je l'oublie, et étant donné qu'aujourd'hui, c'est un enregistrement que nous faisons ensemble qui est disponible au public. Donc, c'est sûr que je voulais mentionner aux gens qui m'écoutent, eh bien, si vous appréciez mes enregistrements, ma chaîne YouTube qui comporte plusieurs enregistrements, eh bien, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière aux coordonnées là, qui figurent en bas de l'enregistrement présent. Et sinon, ben, c'est sûr qu'avec Annick aujourd'hui, ça va être intéressant parce que nous allons discuter entre autres de son cheminement personnel qui l'a amené à s'intéresser à la conscience supramentale. Donc, si on commence avec le début, là, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je dis cet été, mais en fait, c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai quand même débuté, là, une certaine conscience. Moi, ça a commencé, ben, en fait, moi, depuis mon adolescence, là, que je cherche, je suis une chercheuse. Oui. Fait que, tu sais, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup, mais on aurait dit qu'il n'y avait rien qui me maintenait. Tu sais, je passais du coq à l'âne parce que il n'y a rien en quoi je croyais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, bon, comme beaucoup de gens, là, tu sais, j'ai eu un parcours qui n'a pas été très, très facile, là, une drôle d'enfance, en tout cas, tout ça, mais je ne rentrais pas là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a porté à chercher puis à comprendre, tu sais, pourquoi que j'avais tel comportement ou pourquoi, tu sais, que j'arrivais pas, mettons, à dépasser certains événements ou certains comportements. Mais c'était plus au niveau psychologique parce que je connaissais rien d'autre. Mais ça me convenait jamais, tu sais. Puis, c'est ça, à un moment donné, ben là, comme beaucoup de gens, je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait comprendre que le monde n'était peut-être pas celui que je pensais. Tu sais, avec Et toutes c'est sur les. quelle Mais là, tu sais, c'était plus du vidéo que tu côté as tombé? négatif, là. OK. Pardon? OK. C'est sur quelle vidéo tu as tombé? Je me souviens plus du titre que c'était, mais je sais que ça parlait beaucoup. Écoute, c'était un côté occulte, plus satanique, là, tu sais, le côté des élites, puis tout ça, là, qu'on était manipulés. Les cultes sataniques, tu sais, toutes ces choses-là, là. Donc, c'était plus dark, là. OK. Mais ce côté-là, bon, j'ai pas resté longtemps là-dedans, mais au début, tu sais, ça m'a réveillée, par contre, parce que là, j'ai vu comme un autre côté de la vie, tu sais. Puis, ça m'a donné une claque, mais je suis pas restée là-dedans. Une chance, là, parce qu'il reste quand même que c'est déprimant, tu sais. Puis là, ben, suite à ça, là, j'ai commencé à découvrir d'autres choses. Là, t'sais, dans ce temps-là, moi, bon, esprit et tout ça, t'sais, j'avais pas ces termes-là, mais moi, dans ma tête à moi, je prenais contact avec mon âme parce que pour moi, c'était ça le terme. Mais là, aujourd'hui, quand je regarde ça, ben, je me rends compte que probablement que là, l'esprit commençait, t'sais, à descendre. T'sais, je dis pas que c'est parfait, là, mais t'sais, ça commençait le contact. Fait que. Là, ben, à partir de là, je me rends compte que ma vie me dirigeait beaucoup vers des gens qui m'ont donné des chocs, mais qui m'ont réveillée. Des fois négativement, mais qui finit par être positif, mais souvent positif. Puis, c'est ça, jusqu'à. Puis, j'ai vécu beaucoup de choses en lien aussi avec des entités. Donc, déjà jeune, j'ai vécu des choses là, en lien. Pas des possessions, mais tu sais, j'entendais ou je voyais des choses. Que tu avais une capacité de Donc, c'est percevoir ça. des entités. Oui, mais j'avais très, très peur. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme coupé ça. Mais tu sais, ça n'a jamais arrêté parce que tout au long de ma vie, j'ai eu certains endroits que c'est ça que j'ai vécu des choses. Ma fille aussi, d'ailleurs, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, c'est sûr que ça m'a amené à voir un autre côté de la vie qui n'est pas toujours ben, tu sais, une subtilité là, que j'ai détectée. Donc, c'est ça. Jusqu'à l'été passé, où ce que là, j'ai écouté comme beaucoup de gens, je pense, en ce moment, là, une vidéo de Iso. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ils ont vu Saint-Clair, là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai découvert une de ses vidéos. Fait que c'est sûr que là, ça a été comme un autre choc, mais un choc positif, tu sais, dans le sens que je dis pas que j'adhère à tout, là, pas du tout, mais là, je suis passée à un autre niveau, là, j'ai compris d'autres choses, puis ça a comme éclairé mon cheminement, là, puis tu sais, il y avait toujours comme des blancs dans tout ce que j'apprenais, dans tout ce que je lisais, puis là, ça a comblé beaucoup de trous. Fait qu'à partir de là, ben, c'est ça, mon cheminement, j'ai découvert Bernard de Montréal, là, puis moi, ben, j'étais un peu, pas excessive, mais, tu sais, passionnée, fait que là, quand il y a quelque chose, mais, tu sais, c'était pas une passion malsaine, là, c'était vraiment, tu sais, j'ai comme compris que j'étais à la bonne place, là, c'était ça, tu sais, fait que c'est ça, mais suite à ça, là, j'étais allée sur Facebook, là, je me suis inscrite à des groupes, là, j'ai découvert toi, que j'ai beaucoup apprécié, puis d'autres personnes aussi, c'est ça. T'sais, on dirait que j'ai découvert que j'étais à ma place, je ne sais pas comment Oui, mais l'exprimer, là, tu sais, l'exprimes très toute ma vie, clairement. j'avais pas ma place, on Oui. dirait, puis là, ben, j'ai découvert ma place. Oui, mais je te comprends très bien. C'est-à-dire que moi-même, avant d'avoir tombé sur l'instruction de Bernard de Montréal, que je me sens très proche, j'avais été dans le domaine de la spiritualité. Et j'avais Ouais, comme rencontré beaucoup de des, gens, là. c'est ça exactement, des maîtres spirituels, puis... J'étais plus ou moins à l'aise avec des éléments parce que c'était très strict. Il fallait que tu sois obligatoirement végétarien, puis il fallait que tu pratiques la chasteté en parole, en action, puis en pensée. Tu sais, je pense à un maître sans le nommer, puis là, il y avait une approche très austère, puis moi, je me sentais pas tellement proche de ça. Et puis, lorsque j'ai tombé sur l'instruction de Bernard de Montréal, parmi tous les conférenciers, c'est celui qui m'a beaucoup interpellé. Il y a aussi André Moreau pour d'autres raisons. Oui, que tu me fais découvrir d'ailleurs, là. Ouais, ben c'est ça. Ouais. André Moreau, ce que j'apprécie de lui, c'est il est capable de jouir de la vie, tu sais, le plaisir de vie, puis de d'avoir du fun. Tu sais, la conscience, c'est pas obligé d'être ennuyeux puis austère, là. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant parce qu'au départ, quand j'ai découvert cette conscience-là avec la chaîne de ISO, écoute, au début, là, j'avais peur parce que déjà, moi, tu sais, j'ai vécu certaines choses en lien avec des entités et tout ça. Puis là, ben, écoute, les archontes puis toutes ces affaires-là, là, je pense que j'ai passé une semaine, si ce n'est pas 2 semaines, à dormir la lumière allumée. Avec une peur, là, écoute, que je ne me souviens pas d'avoir senti dans ma vie. Puis, tu sais, après ça, ben, tu sais, on entend qu'il faut être très froid, puis tout ça, tu sais, fait que pas d'émotion, puis pas. Oui, tu sais, je comprends qu'il y a un certain côté qu'il faut pas être émotionnel, là. Mais moi, je l'avais pris vraiment, puis j'étais comme, OK, mais là, fait que là, je me retrouvais pas non plus de ce côté-là. Puis Ouais. là, ben, quand j'ai compris que, hey, on peut quand même s'amuser, puis. On peut quand même méditer si on a envie, si ça nous convient. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'arrêter tout ce qu'on aime parce que c'est supposément astral ou, tu sais, fait que ça m'a plu beaucoup. Puis avec ta chaîne, justement, ça m'a fait comprendre ça, ce côté-là, que on n'est pas obligé d'être austère, tu sais. Ouais, Fait que. exactement. Tu sais, il faut pas être pris dans une forme, faut pas être rigide dans une structure. C'est ça. Puis, ben c'est sûr Exactement. que l'un des fondements, entre autres, de l'instruction Bernard de Montréal que j'ai beaucoup apprécié, c'est le principe qui est simple, mais pas nécessairement évident à intégrer pour tout le monde, d'être libre de la Non. forme. Exactement. Oui. Exactement. Fait que c'est sûr que pour moi, bon, la notion d'archonte ou dans un autre vocabulaire, entité astrale manipulatrice de haut niveau, il peut y avoir une réalité derrière ça, sauf que le point, c'est que je ne dois pas donner de l'importance à ce type d'entité à un point tel que ça va m'empêcher de dormir ou de fonctionner, que ça va me décentrer. Exactement. Ben, c'est ça que j'ai compris à la longue de cette expérience-là, parce que même si ça n'a pas duré si longtemps, cette peur, écoute, une peur froide, là, j'avais jamais vécu ça, là. C'est pas le cœur qui débat, c'est des frissons intérieurs, en tout cas. Puis quand j'ai repensé à tout ça, tu sais, qu'à un moment donné, je me suis replacée, puis bon, je passais à d'autres choses, mais j'étais polarisée dans un sens, là. J'étais vraiment très, très polarisé suite à l'écoute de la chaîne de ISO. Puis c'est pas nécessairement ça non plus, tu sais. Ben, c'est pas ça non plus du tout, là. Fait que j'ai appris à faire le balance, si on veut, entre les deux, tu sais. Fait que c'est ça aussi que la conscience supramentale nous apprend à faire, là. Ouais, ben Parce que ça essentiellement, nous aide. c'est d'être déstabilisé par rien, que ce soit les archontes, les entités astrales ou même le coronavirus. Oui, Il ne faut c'est pas se ça. laisser déstabiliser par rien puis être centrique. Moi, Exact. c'est l'essentiel que j'ai Oui. capté là, de l'instruction supramentale au fil du temps, Oui, là. ben Ouais. moi aussi, c'est ça. Puis tu sais, quand on est. Ben moi, j'étais une personne émotive, puis ça, puis moi, je pensais que c'était correct dans la vie, que c'était ça. Tu sais, je suis une personne sensible, puis je me disais, tu sais, moi, je suis sensible, puis c'est correct, puis bon, ben, c'est beau d'être sensible, mais à un moment donné aussi, ça nuit, là, tu sais, de tout prendre. Je sais pas, moi, quelqu'un te dit quelque chose, ça te blesse, tout ça, tu sais, c'est pas très intelligent. À un moment donné, puis avec le supramental, j'ai compris ça. Tu sais, on peut être sensible, on peut vivre des émotions, mais il faut savoir les temporiser, tu sais, ces émotions-là. Ouais, ben c'est ça, c'est d'en venir. Parce que quelqu'un qui a une sensibilité, c'est intéressant parce qu'il est très ouvert aux autres. Une grande capacité de réception. Par contre, il faut être capable de mettre ses limites pour pas être Oui. dans un état où ce qu'on est possédé par une émotion puis nous faire drainer notre énergie vitale, là. Exactement. Ben Parce moi, en tout cas, en que, peu de ouais. temps, ça m'a appris ça. Puis je te dirais que c'est au niveau de ma vie de tous les jours, puis mon contact avec les autres, ça l'a beaucoup changé justement avec ça. T'sais, beaucoup moins de sentiments de rejet ou peu importe, t'sais, de contrariété ou de me sentir. Toutes les émotions, en tout cas négatives, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup amoindries. T'sais. La Ouais. culpabilité aussi qui a beaucoup disparu. Écoute, j'étais une personne qui se sentait coupable à rien, puis là, j'en ai presque plus. Fait Ben, que, tu c'est sais, intéressant parce que c'est ça a bien. changé ton fonctionnement psychique. Oui. Donc, puis ça, beaucoup de personnes vont vivre ça en lien avec la psychologie évolutionnaire. C'est intéressant à aborder le fait que des fois, je rencontre des gens, bon, ils sont médiums, ils sont très ouverts, aux autres, ils vont capter beaucoup de choses. Mais si la médiumnité est trop envahissante, un peu comme un papier d'essuie-tout, ben, on absorbe aussi les éléments des autres qui peuvent nous être néfastes dans un état de sympathie. Parce que moi, j'aime faire la distinction entre la sympathie puis l'empathie. La sympathie, c'est que la personne est triste, tu le captes, puis tu te sens triste aussi, puis tu vas la renforcer dans le mouvement en disant ah, t'as raison, c'est pas drôle, t'es triste, puis l'autre, c'est un salaud, etc. On rend pas service dans ce temps-là, C'est ni à soi, ni à l'autre. ça exactement. Les deux personnes se dévitalisent, puis font une escalade émotionnelle qui va les consolider dans un mouvement astral de dévitalisation Oui, émotive. puis on se sent fatigué après, tu Ben, sais. c'est sûr, les gens se sentent vidés intérieurement de leur énergie vitale. Tandis que l'empathie, à la différence, c'est que tu captes que oui, la personne vit de la tristesse, tu l'aperçois, mais tu donnes pas le pouvoir à la tristesse, par exemple, de te décentrer. Exactement. Donc, toi, tu Oui, restes puis dans ton centre. Oui. il y a bien des gens qui croient que justement d'écouter quelqu'un, d'être à son écoute, c'est d'embarquer avec elle dans ses Non, c'est ça, émotions. Puis, exactement. t'sais, même si tu n'es pas d'accord, mettons, je ne sais pas moi, qu'une personne vit quelque chose en lien avec son père, tu vas être de son côté ou tu vas acquiescer à tout ce qu'elle dit justement pour être avec elle, puis pleurer avec elle. Puis, t'sais, fait que non, ça amène une dévitalisation, comme tu disais, là, puis c'est pas enrichissant comme échange, pas du tout. Exactement, parce que ça conforte l'autre personne dans son rôle de victime. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas ça qu'on veut. T'sais, à un moment donné, c'est ça que la conscience, elle amène aussi, c'est de plus vouloir être une victime, là. T'sais, c'est assez, à un moment donné, là. Exactement. Puis C'est pour ça. ça, Fait ben, ça que... prend un changement de psychologie, un changement psychique aussi en lien avec ça. Oui, Puis, parce qu'on c'est subtil, ouais. la victimisation. On s'en rend pas toujours compte. T'sais, même... Bon, mettons, bon, je vais parler de mon expérience comme d'habitude, là, mais mettons, j'ai vécu des choses dans mon enfance, tu sais, puis bon, mettons, avant, il y a quelques années, ah, c'est sûr que, je sais pas, je me sens rejetée dans telle situation, tu sais, j'ai vécu telle affaire quand... Ça, c'est beaucoup de victimisation. Oui, OK, tu as vécu des choses, mais ça donne rien après ça de te victimiser par rapport à ça, parce que, oui, ça peut expliquer, mais ça l'explique pas que tu continues à te victimiser et avoir des comportements en lien avec ça, tu sais, c'est parce que ça amène une stagnation quand tu fais ça, tu sais, Ben tu oui. changes pas à ce moment-là. Fait qu'il Non. faut vraiment aller au-delà de ça. Puis quand tu as Exact. compris ça, ben, c'est merveilleux parce que tu arrêtes d'être une victime. Puis tous les petits événements de la vie, là, que tu peux redevenir une victime, tu t'en rends compte assez rapidement, puis tu essaies de changer ça. Ouais, exactement. C'est le rapport à l'événement que la personne doit changer. Parce que tant aussi longtemps qu'elle se réfléchit comme victime, en relation avec des antécédents du passé qui peuvent, dans certains cas, être lourds ou traumatiques, ben, à ce moment-là, elle reste dans un pattern qui fait en sorte qu'elle est constamment dévitalisée. Donc, Exact. c'est sûr que de développer la centricité, c'est-à-dire arrêter de donner le pouvoir à l'événement ou les gens de l'environnement de nous sortir de notre centre, ça, c'est un élément fondamental pour la personne qui veut être dans un état de vitalité, donc Oui. entretenir sa santé psychique. Exact. Ça, être en paix, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais. Exactement. Oui. C'est pas toujours évident, mais plus on est dans cette conscience-là, plus on avance, qu'on s'observe, tout ça, puis plus c'est facile à faire, tu sais, dans un sens, là. Oui, quelqu'un qui est présent, qu'est-ce qui se passe? Ça devient plus facile d'agir pour apporter des modifications. Tandis que si la personne est tout le temps dans la réflexion de son passé de victime, ben à ce moment-là, ça la bloque pour amener des changements dans sa vie, là. Oui, parce qu'on justifie en même temps des comportements qu'on a, tu sais. Fait que, à se justifier tout le temps comme ça, ben, c'est ça, on reste à la même place, puis on n'avance pas. Exactement, Fait ça crée que, une stagnation, tu sais, la oui. rationalisation en disant, ah ben c'est pas de ma faute, je suis une victime. Puis Ben, c'est ça. c'est ça, il y a une déresponsabilisation de l'individu qui peut se faire. La personne ne voit pas sa part de responsabilité. Par exemple, ça participe avec une interaction avec quelqu'un. Donc, c'est sûr que si quelqu'un est bourreau avec elle, puis elle a continué de le fréquenter, ben elle participe à ça. C'est pas capable de mettre ses limites. Elle a une part de responsabilité dans une situation où ce qu'elle se laisse dominer par l'autre. T'sais. Tout à fait. Ouais. Oui. Puis justement, ben, en lien avec ça, ça, c'est quelque chose aussi que ça m'a appris à mettre. Ben, écoute, tu sais, quand je dis ça, là, Oui. je suis loin d'être parfaite encore, puis je travaille encore beaucoup là-dessus, mais c'est parce que comparé avec ce que je vivais avant, c'est tellement. Tu sais, je vois tellement la différence que c'est pour ça que quand je parle, c'est comme si tout avait changé, mais tu sais, tout n'a pas changé. C'est très subtil, mais tu sais, juste en rapport avec les limites, moi, je n'avais tellement pas que je ne barrais jamais mes portes d'auto, je ne barrais même pas ma maison. Ça a l'air de rien, juste de dire ça comme ça, mais ça en dit beaucoup. Quand j'ai compris ça cet été, là, je me suis mis à barrer ma porte, pas parce que j'ai peur, mais parce que c'est mon environnement physique. Puis si je ne suis pas capable de mettre une limite drette là, ça ne va pas bien, tu sais. J'en mettais pas plus dans mon environnement Psychique. psychologique ou avec les gens. Fait que là, ça m'a donné vraiment une prise de conscience, ça. Fait que, des fois, Ouais. c'est juste des petites choses comme ça, tu sais, c'est pas grand-chose. Pour d'autres, ils vont dire, ben oui, mais là, c'est pas grave, elle barrait pas ses portes d'auto. Mais pour moi, c'était beaucoup. Ben, ça Ça voulait dépend, dire c'est beaucoup. ça, ça dépend pour qui, puis tout est interrelié. T'sais, si tu mets pas tes limites par rapport à ton auto, puis tu mets pas tes limites par dans ta psyché aussi, sur le plan plus subtil, ben là, tu C'est risques d'être ça. envahi par l'astral. Exactement. Ben, comme tu dis, c'est différent pour chaque personne, tu sais. Chaque personne vit les choses différemment. Il y en a qui barrent pas leur porte, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent pas de limites dans leur vie, là. Mais pour Exactement. moi, C'est c'est du ça, cas tu par sais. cas. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Le volet psychologie évolutionnaire, je pense qu'on est beaucoup dans l'étude de ça présentement, dans le sens qu'on parle d'enjeux psychologiques. Puis, c'est sûr que c'est une partie importante de l'intégration qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Parce que c'est sûr qu'on pourrait parler des sept supra-univers, puis des affaires plus. Comment dire, éloigné du quotidien en relation avec la Ouais, moins terre à conscience. terre, là, moi. Exactement, exactement. Mais c'est sûr que j'aime ça amener ça présentement avec les gens sur un terrain plus terre à terre. Parce que ce qu'on est confronté dans la vie de tous les jours, ce n'est pas les différentes sortes d'extraterrestres, en tout cas pas présentement, mais c'est plus comment composer avec les événements du quotidien, dont notamment, Exactement. c'est ça, dont notamment les enjeux pour. Que ce soit par rapport à sortir du rôle de victime ou à arrêter de se sentir coupable. Il y a beaucoup de gens que ça va sans doute rejoindre ce type de propos-là parce que beaucoup de personnes se font astraliser en relation avec ça, t'sais, dévitaliser, ouais, devrais-je dire. C'est sûr que c'est intéressant de parler, comme tu dis. T'sais, ça peut être le fun de parler des extraterrestres ou de parler de sujets plus mystiques, peut-être. Mais c'est ça, à un moment donné, moi, j'aime beaucoup le concret, là. Je suis une fille bien concrète, sauf que j'aime ça aussi, me renseigner sur toutes sortes de sujets, là. Mais je suis bien, bien concrète dans ma vie. Puis présentement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai de besoin, là. Fait que c'est peut-être pour ça que je Ah, parle ben, plus de ce ce que je te côté-là. dirais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes présentement qui ont besoin d'une intégration individuelle de la conscience. Parce que si ça reste juste théorique où on étudie des questions qui n'ont pas d'impact sur notre vie de tous les jours, ça reste distant. Exactement. Oui, c'est ça. Parce que j'en ai lu beaucoup de livres, tu sais, sur le développement personnel, des livres en lien avec, j'écoute, j'ai même suivi une thérapie, de l'enfant intérieur. Je dis pas que c'est mauvais, là, pas du tout. C'est chacun son expérience, là. C'est sûr que ça m'a apporté du bon parce que je ne serais pas rendue là aujourd'hui. T'sais. Ça m'a peut-être justement permis d'arriver là. T'sais. Mais pour moi, ce n'était pas ça encore. T'sais. Fait que, il n'y avait pas assez de concret. Il n'y avait pas assez. Comme tu dis, c'était plus les livres, en tout cas, c'est bien à lire, là, mais c'est ça. Ça ne m'a pas apporté grand-chose. Sauf que là, ben, c'est ça. Avec la conscience dans la vie tous les jours, tout ça, c'est différent. Là. Oui, exactement. T'sais, un travail qui est intéressant à faire, c'est de regarder quand on est en contact avec des gens, est-ce que ces gens-là, lorsqu'on discute avec eux, par la suite, on sent vider nos énergies ou au contraire, on est rempli d'énergie, tu sais? Exactement. Mais ce qui est plate, en tout cas, que je me suis rendu compte, puis je sais pas, en tout cas, je me sens mal un peu de dire ça, mais j'ai pas beaucoup de gens autour de moi où ce que je peux parler puis que ça me revitalise, tu sais. C'est comme là, tu sais, présentement, ben c'est beaucoup le coronavirus. Fait que, tu sais, ça vibre beaucoup dans la peur et tout ça, tu sais, puis fait que c'est pas très, très revitalisant, tout Non, ça, non, tu sais. exactement, exactement. Par contre, en lien avec ça, ce que je peux te mentionner, puis je peux parler à mon nom, dans le sens que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est des entrevues sur Internet avec différents invités. Puis c'est un prétexte pour discuter avec des gens qui vivent un cheminement de conscience. Puis à travers ça, ça va me vitaliser, ça va me dynamiser. Tu sais, je vais faire une entrevue avec mon nom, une autre avec Olivier, différentes personnes. Puis mon objectif, ça a été d'identifier des gens avec lesquels je trouve que la vibration passe bien. Donc des gens qui vont pas chercher à me dominer, qui vont pas chercher à me niveler vers le bas ou à imposer des croyances religieuses ou sectaires. Non, je vise un certain niveau dans mes communications avec les gens, non pas à un certain niveau dans le sens noble, mais dans le sens pas intellectuel, là, mais je veux dire dans le sens vibratoire, que lorsque Ça je paraît sors, dans tes bon, enregistrements merci, aussi. que lorsque je sors de l'entretien, je sois dans une belle vibration, puis que j'ai pas senti que l'autre a cherché à vampiriser mes énergies vitales. Donc, moi, de faire des entretiens avec des gens, que ce soit payant ou gratuit, c'est un prétexte que j'utilise pour entrer en contact avec plusieurs personnes. Puis si c'est réel pour moi, ben ça peut l'être aussi pour d'autres personnes. Ou, tu sais, toi, si tu veux rencontrer ou être en contact avec des gens, ben tu peux créer l'opportunité en faisant des émissions sur YouTube aussi. Ou juste, ça peut être, moi en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est de discuter avec des gens. Des fois, c'est pas toujours en parole, mais oui, je sais que la parole, c'est encore plus vibratoire, là, puis c'est. Ça nous amène vraiment à un autre niveau. Mais des fois, juste de discuter comme ça, je nommerai pas de nom, là, mais tu sais, il y a des gens sur Facebook que c'est intéressant de discuter avec eux autres, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait que Exactement. Fait que c'est ça peut ça. vitaliser ça aussi, tu sais, parce que tu discutes avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, de conscience. Fait que c'est C'est ça, agréable. Tu sais, c'est exactement. sûr Fait que oui. les gens qui m'entourent, même si je les apprécie, puis que il reste qu'on n'est pas dans la même. Ben, ils me comprennent pas, c'est sûr. Fait que de discuter avec d'autres gens qui sont dans cette conscience-là, ça fait du bien. Puis je comprends ce que tu veux dire, toi, la façon que tu procèdes, c'est vrai que ça doit beaucoup te vitaliser, là. Puis ça Exactement. paraît avec tes invités aussi, tu sais, que c'est vibratoire, puis on voit la connexion. Ben, on la sent, en tout cas. Ben, tant mieux. Si tu peux capter ça, mais en tout cas, moi, ce que je vis, c'est que j'ai décidé d'entrer en contact avec plusieurs personnes qui vont faire avec moi des enregistrements une fois de temps en temps, puis des gens avec lesquels je suis à l'aise. Puis si ce ne serait pas le cas, ben j'arrêterais de faire des enregistrements, tu sais. Donc, il y a une certaine sélectivité qui se fait au niveau vibratoire, qui m'amène à avoir un choix d'invité. Ben, en fait, je dis choix, mais en réalité, tout est marqué. Puis, tu sais, je suis mis en vibration, par exemple, pour contacter une personne. Tu sais, la pensée me vient en tête, elle me pop-up dans le mental. Ah, ben, tu préfères un entretien avec Mona ou, tu sais, ça me le dit Oui, intérieurement. c'est ça. Donc, mais c'est sûr C'est que ça, comme déjà décidé d'avance, là. dans un sens, là. Mais, tu sais, c'est créatif parce que quand je suis mis en vibration pour parler à quelqu'un, habituellement, je sais très bien qu'il va y avoir quelque chose d'évolutif qui va ressortir de ça. Oui, Tu pour sais, les deux personnes, c'est ça. exactement, c'est mutuel. Mais c'est sûr que ça n'a pas nécessairement passé par des enregistrements ou de l'audio. Ça peut être aussi quelqu'un, en effet, comme toi, tu le mentionnes, tu vas discuter avec des gens sur Facebook, puis à travers l'écrit. D'ailleurs, tu écris très bien en passant. J'ai été Merci. lire quelques textes là, sur ton blog et puis non, tu as une belle plume, donc c'est sûr, j'invite les gens à te découvrir. Et puis, ben c'est sûr, il y a certaines personnes dans leur sensibilité, ben, ça va être, vont être plus à l'aise avec l'écrit, puis c'est correct, tu sais, chacun selon ce que la personne se sent plus à l'aise, tu sais. C'est la façon que je vois ça, Ouais, là, tu ben moi sais. ça se fait facilement là, tu sais, quand que j'ai quelque chose qui me vient en tête, ben écoute, je peux l'écrire en même pas 10 minutes là, mon texte là, tu sais, parce que c'est ça vient comme ça, puis ça sort comme, je fais pas beaucoup de corrections ou pas beaucoup tu sais, ou les fautes là, puis tout ça, mais la mise en forme, tout ça, j'en fais pas beaucoup, fait que ça va comme ça vient. Ben, tant mieux si tu as une spontanéité comme ça à l'écrit, ça fait partie de tes talents. Mais le point que je voulais amener, c'est que dans mon environnement, au fil du temps, j'ai fait un tri par rapport aux gens pour mettre mes limites, dans le sens que, tu sais, comme, tu sais, je pense à la crise du coronavirus, puis là, je discutais tantôt avec ma mère, puis là, elle me détaillait les affaires qui n'avaient pas d'allure pour les résidences de personnes âgées, puis il est Oui, arrivé là, telle c'est le affaire, gros sujet, ouais. j'ai dit, arrête, j'ai dit, puis j'ai été très poli avec elle, j'ai dit, écoute, par rapport aux résidences de personnes âgées, ça ne m'intéresse pas d'en entendre parler. Moi, c'est sûr que personnellement, ben, premièrement, tu sais, je suis pas au préposé aux bénéficiaires, tu sais, j'ai pas de pouvoir d'agir là-dessus. Je comprends qu'il y a C'est ça. des aberrations qui se font, mais si j'ai pas de pouvoir d'agir là-dessus, ça sert pas à grand-chose d'en discuter en long puis en large. Non, non, c'est ça exactement. Tu sais, Exactement. c'est comme essayer de trouver des solutions que finalement, on n'en trouvera pas de solution. Tu sais. Fait que c'est stérile comme conversation en C'est bout de ligne. ça, exactement. Fait que moi, je recadrerai la conversation en lui disant plutôt qu'en lien avec le coronavirus, j'écoute plus les bulletins de nouvelles. Ça fait un peu plus d'une semaine. Et puis, Comment tu te sens? je me sens Sens-tu mieux! mieux? J'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité. Je comprends. C'est ça parce Moi, j'ai que. parlé avec ma Oui? marraine cette semaine. Puis ma marraine, écoute, elle a 72 ans, je pense. OK. Puis elle est dans le supra, elle aussi, elle a connu la conscience. On a connu ça en même temps. T'sais. Fait que je trouve ça vraiment. Tu sais, il n'y a pas d'âge, là, vraiment. Là. Puis c'est pas évident pour elle, en Ben, je plus, mettrais parce que des c'est une limites, ancienne des sœur, hein, fait nuances, qu'elle, la OK. religion, puis tout ça, Mais je là, fait mettrais des que, en tout nuances cas. par rapport à ça, en disant que oui, quelqu'un peut s'éveiller à tous âges, mais souvent, quand les gens sont plus Oui. jeunes, c'est plus préférable ou favorable parce que les gens ont moins de mémoire, de Oui. conditionnement religieux. Je Donc, comprends. c'est sûr que si la personne a eu beaucoup de mémoire en lien avec la religion, ben, d'intégrer d'autres éléments, ça crée, dans certains cas, une tension entre son bagage mémoriel religieux versus la nouvelle information qui peut être contradictoire, là. Oui. Bien, je le vois dans mes discussions avec elle, même si elle m'épate, là, vraiment, parce que je trouve qu'elle assimile, tu sais, elle intègre quand même bien, mais oui, je la vois, cette tension-là. C'est pas évident pour elle, tu sais. Puis écoute, je comprends, là. Elle a été élevée là-dedans, puis elle était même chez les sœurs cloîtrées, là. Fait que, tu peux t'imaginer que. Exactement. Tandis que le jeune enfant qui n'a pas d'idées préconçues, qui n'a pas de préjugés, ben là, de lui exposer un élément d'information, il n'y aura pas d'élément en son sein pour se mettre en opposition par rapport C'est à ça. ça. Donc, à ce Ouais. moment-là, l'intégration souvent va se faire plus facilement parce qu'il va y avoir moins de résistance qui vont venir des mémoires du Oui. passé. C'est comme évident, tu sais, pour eux autres, comme ma fille, c'est sûr que, tu sais, je fais attention à ce que je dis aussi, là, mais je vois selon, tu sais, ce que je sais qu'elle est capable de supporter, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, quand je donne une information ou qu'on discute de certaines choses, ou, tu sais, comme la pensée, des fois, je dis, bon, là. Tu te rends-tu compte là, que tu es manipulé dans ta pensée ou tu sais, pour elle, c'est tellement normal qu'elle ne se pose aucune question. T'sais. Là, ben là, elle conteste. Elle là, là, c'est assez, là. Ben, c'est Ça me ça fait qu'il faut rire. faire. C'est drôle. Puis des fois, elle me le dit même à moi, quand elle voit que je tourne en boucle sur quelque chose, tu sais. Bon, là, maman, là, tu te fais manipuler dans ta pensée, là, faut que tu mettes un stop, là. Ben, c'est bien, tu sais, si elle peut t'accompagner dans ton développement, puis que ça va dans les deux Ouais. sens. Donc, j'imagine que vous devez avoir quand même un bon lien, un respect mutuel, là, à travers ça, là. Ah ben oui, c'est Bon, sûr que je ne vais exactement. pas plus loin non plus que qu'est-ce que, tu sais, il restait quand même 12 ans, là, fait que j'irai pas y parler des archontes puis ces choses-là, Non, c'est même si c'est ça. pas mon sujet favori non plus, là, mais bon, Faut c'est ça. respecter sa capacité d'intégration Ben oui. pour pas brusquer Mais les comme tu choses disais, comme en inutilement. lien Oui. avec le coronavirus et tout ça, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est de quand tu parles avec les gens autour de toi, tu vas mettre tes limites à un moment donné, c'est ça? Oui, exactement. Tu sais, c'est possible de recadrer la communication avec certaines personnes. D'autres, ça ne l'est pas, mais il peut être possible aussi de prendre une distance aussi par rapport à certaines personnes qui vampirisent trop les énergies ou carrément là, mettre fin à la relation. Ouais. Donc, il y a des Ouais, actions des fois, on comme n'a ça. pas le choix de faire ça, C'est ouais. C'est ça, comme exactement, exactement. ça s'impose. C'est ça, parce que si la personne change de taux vibratoire, en intégrant une conscience nouvelle, mais que les gens de son environnement ne vivent pas ça simultanément, tôt ou tard, il va se créer un décalage vibratoire entre l'individu puis les autres de son environnement, puis plus que le décalage est grand, plus que ça risque de créer des tensions et des frustrations. Oui, j'ai remarqué ça, oui, avec quelqu'un de mon entourage, des tensions qui se sont développées, tu sais. Pas des chicanes ou quoi que ce soit, mais c'est comme si, y a un lien qui n'était plus là, là. Fait que c'est comme si la base qui nous tenait, mettons, ensemble, était plus là. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là, tu sais? Ben, Ça il faut se fonctionne plus, là. redéfinir puis trouver des gens plus ajustés à sa conscience. Ouais. Ben, tu sais, j'ai l'impression justement que c'est ça que la vie tranquillement m'amène justement à connaître des gens dans la conscience et tout ça. T'sais. Fait que ça se fait comme toute seule, on dirait, hein. Oui, ben, parce que il y a des synchronismes énergétiques qui peuvent être interceptés. Dans le sens que l'esprit peut te mettre en vibration pour entrer en contact avec telle personne plutôt qu'une autre, puis ça te parle plus. Puis, ça se fait naturellement, mais c'est sûr que le passage à la conscience supramentale amène l'individu tôt ou tard à briser des liens d'âme qu'elle pouvait avoir avec certaines personnes au niveau astral. Parce que Même quand l'esprit. c'est même la famille, hein, c'est ça, tu sais. Ça casse la forme de la famille aussi. Bien, ça peut impacter en effet la forme de la famille si la famille n'est pas capable de suivre ou d'intégrer autre chose, là, tu sais. Ouais. C'est très rare que des gens vivent la fusion en même temps, dans la même famille, dans la même année, là, tu sais. Bien, même année, moi, je vois ça plus comme un processus sur plusieurs années quand même, là, à part Bernard de Montréal, qui est un peu comme Obélix, est tombé dans Potion Oui, c'est magique, ça. qui aurait Il est vécu tombé dedans, lui. une fusion instantanée, mais lui, il avait un mandat particulier, puis. C'est ça. C'est une autre histoire, mais en général, c'est un cheminement. Mais ce qui arrive, c'est que les gens ne vivent pas nécessairement le même cheminement en même temps, dans la même famille. Ce qui fait en sorte que, comme je le mentionnais, ça peut créer des tensions. Puis à un moment donné, ben, il y a des gens qui ont à prendre leur distance des autres. Et comme la Oui. nature a horreur du vide, ben, c'est sûr que c'est de voir que ça peut être l'opportunité de se redéfinir avec d'autres personnes. Tout à fait. Oui, c'est un tremplin pour aller vers autre chose aussi, Exactement, t'sais. exactement. Tu sais, à un moment donné, au Oui. niveau Mais au spirituel, début, oui. ça fait peur un peu, t'sais. Au début, c'est sûr que des fois, l'être humain, dans son confort et tout ça, t'sais, même des fois, quand ça va pas super bien, on est comme confortable, là. Oui, c'est parce que ça, Mais c'est c'est comme. intéressant à étudier. C'est-à-dire que les gens sont bien dans l'inconfort parce qu'ils se sentent en sécurité vu que c'est du connu. C'est ça. Même si c'est malsain. Mais même si c'est malsain, oui. C'est ça Mais veux pas, à un qui. moment donné, pareil, ça pousse. Ben Même oui. si tu veux pas, ça pousse pareil. Fait que c'est comme si tu n'avais pas le choix. T'sais. Je ne sais pas si on a le choix ou non, là, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai comme pas le choix. Là, t'sais. Ça Non, pousse. Fait moi, que c'est ça. je tourne On y va. l'avis. C'est-à-dire que il peut y avoir une impulsion énergétique en ton sein pour que changer, tu sais, ça va faire, là, tu sais, par exemple, je me laisserai plus marcher sur les pieds, là, tu sais, c'est plus tolérable, là, tu sais, je suis tanné de souffrir, tu comprends? Exactement, c'est ça, c'est à un moment donné, la souffrance, t'es saturé, là, t'sais. Tu dis, OK, il y a d'autres choses, là, ça se peut pas que ce soit ça, la vie, là, t'sais, c'est pas possible, là. On peut vivre, t'sais, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut vivre des événements dans notre vie, t'sais, qui sont pas toujours agréables, là, c'est sûr, mais il y a toujours, même si on n'a pas le choix, t'sais, on n'a pas de libre arbitre et tout ça, mais il reste quand même qu'on a le choix de la façon qu'on va les vivre, ces événements-là, t'sais. Fait que c'est ce que j'ai compris en tout cas, là. Oui, Fait ben, que c'est ça, fait. c'est sûr que la personne a pu modifier son rapport à l'événement, tu sais, comme par rapport à la crise du coronavirus. Si dans mon rapport à l'événement, je passe mes soirées à écouter des bulletins de nouvelles puis à vibrer à de la peur, sais, c'est pas pareil que si je dis non, je vais avoir une distanciation astrale, pour employer l'expression de Sergio. Puis je vois dans ce sens-là de distancier Ouais, de bonne l'astral celle-là, la entouré. distanciation astrale. Ouais, c'est ça, ça m'a fait rire là, quand j'ai entendu ça. Ouais. Puis c'est sûr que si, tu sais, je décide de me distancer des médias qui véhiculent beaucoup de peur là, dans les médias de masse. Donc, à ce moment-là, puis, tu sais, si je me branche à la place des enregistrements sur Internet, qu'au moins ça élève le taux vibratoire, ben, je me garde dans une autre dynamique psychique, tu sais. Oui. C'est ça, il faut pas se mettre dans des états non plus négatifs, tu sais, mais c'est dur pour certaines personnes d'en sortir parce que, ben, tu sais, juste moi, j'ai jamais été quelqu'un qui écoute beaucoup les nouvelles, là, ça m'a toujours, en tout cas, fait qu'encore moins maintenant, tu sais, mais au début du coronavirus, tout ça, quand ça a Oui. commencé, j'écoutais quand même beaucoup le point de presse, puis j'allais voir souvent les gros titres, là, ben, tu sais, je voyais. OK, là, il y a 3 morts de plus, oh, un mort à telle place, puis tout ça, tu sais. Fait qu'on dirait que j'étais comme happée un peu à tout le temps aller regarder. Puis à un moment donné, j'ai pris comme conscience de ça, puis j'ai fait, hey, non, non, là, c'est assez, là, tu sais. Ouais, Fait que ben je moi me je trouve suis dit, ça je vais y aller juste morbide. une fois par jour, juste pour voir, tu sais, bon, qu'est-ce qui se passe, puis y a-tu quoi de nouveau. Mais même à ça, présentement, j'y vois même plus, je pense à ça. Ça s'est comme fait tout seul, là, tu sais, je suis comme tannée, là. De Saturé. toute façon, les gens autour nous en parlent. Fait que, tu sais, si ma mère m'appelle, je connais toutes les nouvelles, là. Fait que, Ouais, c'est c'est ça. ça. Moi, je fais de la Pas besoin d'aller les sous-traitance. voir. Je fais de la sous-traitance avec ma mère. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit, vu que tu les écoutes, puis tu sais, j'ai posé à Manu la question, j'ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'écouter ça? Elle me dit oui, bon, mais ben, OK. Fait que là, j'ai dit, s'il y a des nouvelles lois ou des nouvelles mesures qui peuvent avoir un impact sur mon comportement individuel, comme la distanciation sociale, être à 2 mètres, pas aller à des rencontres de groupe. Bon, tiens-moi au courant. Mais sinon, j'ai été très franc avec elle. J'ai dit, le reste, là, le nombre de morts, puis le C'est palmarès ça. morbide là-dessus, ça ne m'intéresse pas du tout, là, t'sais. Moi, je trouve ça contre-productif, t'sais, que depuis plusieurs semaines, c'est comme si les médias nous amènent d'une manière obsédante à tout le temps porter Oui. attention, ben là, ça augmente, là, 200 000 morts, 300 000, puis là, Oui. c'est comme une espèce de palmarès morbide, mais ça apporte rien Oui, de un décompte, créatif. là, tu C'est sais. ça, c'est ça. Puis ça On monopolise dirait toute un l'attention. téléthon, mais pas dans le bon sens, là, C'est tu pas sais. pour ramasser de l'argent pour une œuvre de charité. C'est Ouais, c'est ça. ça. Mais tu sais, s'ils feraient la même chose pour tous les problèmes dans le monde, que ce soit le nombre de personnes atteintes du sida, du cancer, ben, ça finirait plus. Exactement, on serait tout le temps dans la peur, tu sais. Fait que C'est je pense que ça, l'être exact. humain, présentement, vibre assez à la peur pour toutes sortes de choses, tu sais, juste au niveau de l'environnement, puis tout ça, tu sais, c'est apeurant pour beaucoup, puis tu sais, c'est un enjeu, mais là, il y a le coronavirus, là, s'il fallait qu'on parle de tout ce qui, tu sais, bon, aux États-Unis, les médicaments font beaucoup de morts aussi, tu sais, puis ça, on n'est pas au courant, mais tu sais, si on le savait, puis que les nouvelles se mettaient à en parler, puis en parler, ils le feront pas, là, ça serait pas dans leurs intérêts, mais... Comme tu dis, on n'en finirait plus de vibrer à la peur à un moment donné, là. Exactement. Fait que Fait c'est que je sûr que pense oui. qu'individuellement, chacun, on a un travail à faire là-dessus aussi, tu sais, d'arrêter de consentir aussi à ça, même si ce n'est pas évident tout le temps, là. Certainement, mais tu sais, on peut utiliser son temps autrement. T'sais, au lieu d'écouter ses bulletins de nouvelles, ben moi, ce que j'ai décidé de faire, comme là, j'écoute des enregistrements, là, que ce soit Irène Grosjean ou d'autres personnes sur Internet, par rapport à la nourriture crudivore. Donc, Oui. manger des trucs crus, puis là, ça me stimule. Puis là, je vais voir des recettes, là, comme là, j'ai étudié récemment là, la recette à partir de courge pour faire du spaghetti crudivore, mais ça ne comporte pas Ah, OK, ouais. de viande, là, c'est vraiment cru. Puis là, j'ai été au magasin Canadian Tire, puis là, j'ai acheté un appareil pour prendre une courge, puis la couper pour que ça fasse des filaments, comme des filaments à spaghetti. Comme des spaghettis, C'est ouais. ça, puis là, par là-dessus, on met de la sauce, puis on peut mettre des noix ou des lentilles. Donc, je Ouais, moi j'en cherche. fais avec des courges, là aussi, mais c'est pas des courges, voyons, c'est vert, là. Voyons, le Des nom m'échappe. concombres? Des Non, pas des zucchinis? cocombes. C'est une courge, mais verte en long, là, voyons. OK. En tout cas, ouais, j'en fais moi aussi OK. avec de la sauce, là, tout ça, parce que moi aussi, je mange pas de viande, là. OK, Fait t'es que végétarienne ou thalienne? moi, je suis végétarienne. OK. Ben, en fait, ben, je dis ça. Non, je prends pas de. Je bois pas de lait du tout. Par contre, ben, je ne sais pas comment me situer parce que ça m'arrive de manger des œufs. Fait que là, à partir de là, je ne sais pas trop comment me situer, là. Mais non, je ne prends pas de lait, pas de gluten, mais c'est pour des raisons de santé, là. C'est pas pour des raisons. C'est plus pour ma santé personnelle. OK. Mais je ne sais pas comment on appelle ça, hein, ceux qui mangent pas de viande, mais qui mangent des œufs. Je ne sais pas. C'est une bonne Pense qu'il y a un nom pour question. ça, mais. Ben, en fait, si c'est zéro produit animal, c'est végétalien. C'est ça. Puis végétarien, la personne a pu, par exemple, prendre du fromage ou des produits laitiers, mais elle Ou va même pas des œufs. manger. Ben, je pense que oui, mais elle mangera pas de Ouais, c'est viande ça. d'animaux, là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait dire que je suis végétarienne. Exact. Fait que ça fait quelques années, là. Puis, je retournerai pas en arrière, là. Je suis bien avec mon alimentation. Tu sais, ça me manque pas, la viande. C'est drôle, hein? Pas parce que j'aimais pas ça, là, mais ça me manque pas. Ben, je te comprends très bien parce que j'ai fait un cheminement au niveau de l'alimentation, en lien avec mon cheminement de conscience aussi. Puis, ça fait environ 1 an que je mange essentiellement végétarien. Puis, ben, en fait, chez moi, je mange végétarien, mais quand je suis à l'extérieur, c'est sûr qu'au restaurant, je peux manger du poisson, mais je ne mangerai pas de la viande rouge. Ah ben tu vois, ça m'arrive ça moi aussi, une fois de temps en temps, si je vais au restaurant. Moi aussi, tu sais, pour pas m'empêcher, parce que je me dis à un moment donné aussi au niveau vibratoire avec les gens avec qui tu sais, c'est plate de se restreindre trop aussi. Fait qu'il y a comme d'autres facteurs aussi qui peuvent rentrer. Fait que des fois, oui, ça va m'arriver, moi aussi, je vais manger un saumon, tu sais. Mais chez nous aussi, là, c'est végétarien. Il n'y a pas de viande qui rentre ici. Exactement, mais en lien avec ça, en fait, on est sur la même longueur d'onde là-dessus parce que, après tout, il ne faut pas être rigide ou trop strict là, par rapport à C'est ça. l'alimentation, là, tu sais. Au début, j'étais beaucoup comme ça, là. J'étais très, très, très rigide. Ben, tu sais, moi, c'est ça. J'étais un peu, quand je rentre dans quelque chose, Tu sais, ils vont j'y vais intensément. à fond, là, tu sais. Fait que là, ben, quand j'ai commencé, moi, c'est écoute, j'ai tout coupé. Puis là, ben, tu sais, les gens qui mangeaient de la viande, là, des fois, c'était pas correct de ma part, tu sais, parce que j'avais pas de. Ça manquait de respect, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là, tu sais. Fait que des fois, je pouvais dire à quelqu'un, tu sais, y amener des théories ou des chiffres, ou tu sais. Mais pas trop non plus, là. Mais tu sais, je me suis rendu compte que ça donne rien d'influencer qui que ce soit. De toute façon, ça reste quand même un jugement que de dire à quelqu'un, regarde, je suis mieux que toi parce que moi, je mange pas de viande. T'sais, non, tu sais, en fait, on le sait pas, tu sais, en tant que tel. Quand on y pense, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux. Moi, dans mon. Moi, comment je le sens, c'est comme ça. Mais une autre personne, c'est différent. Fait que, tu sais, on apprend ça aussi à un moment donné. Fait Oui, que. exactement. T'sais, moi, ce que je vise avec les gens, c'est de ne pas avoir d'attitude moralisatrice C'est ça. pour lui dire, toi, t'es pas correct, t'es comme ci ou comme ça. Absolument. Par contre, si quelqu'un vient me voir dans les gens de mon entourage, je vais me dire, ah, est-ce que tu pourrais me donner des suggestions? Ben là, je pense à ma mère, elle m'a demandé des suggestions de recettes végétariennes. Là, j'en ai présenté, Ah ben mais oui, là, c'est différent. c'est ça C'est différent parce exactement. que la personne vient te le demander, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pas dans une optique d'imposition. D'imposer, là. Exactement. Mais sinon, moi, quand que j'étais jeune, en réalité, j'aimais pas manger de la viande. Et puis, ben, je vivais avec ma mère puis mes parents, puis eux autres, ils mangeaient de la viande. Fait que c'était comme imposé. Puis par la suite, ben, comme je vis seul en logement, ben, je mange plus de viande. Il n'y a pas personne qui me dit quoi faire. Je suis tout seul dans mon logement. Je vais voir ma C'est compagne, ça. tu sais, je rencontre ma compagne une fois de temps en temps, mais elle n'est pas dogmatique non plus, tu sais. Elle va me laisser OK. manger de manière végétarienne, aucun Elle problème. est pas intransigeante. C'est ça. C'est ça. Elle ne m'impose rien, puis c'est sûr que j'y impose rien non plus pour qu'il y ait un Non, ben respect moi, je mutuel. suis toute seule, moi aussi, puis avec ma fille. Fait que, tu sais, ma fille, une semaine sur deux, là, une semaine elle va avec son papa. Fait que quand elle est avec son papa, ben elle mange de la viande. Quand elle est avec moi, elle n'en mange pas. Fait que, elle s'est habituée comme ça. Puis je me suis dit, regarde plus tard, ma belle, j'ai dit, tu décideras qu'est-ce que tu veux faire, là. Ça va être ton choix à toi, là. Exactement, mais avoir eu Mais j'ai dit, quand tu es l'opportunité, avec maman à la maison, par exemple, moi, je ne la jette pas. Fait c'est que ça. c'est ça. Fait que ça lui donne l'opportunité, tu sais, de voir c'est quoi manger de la viande, c'est quoi manger de végétarien. Fait qu'elle a comme deux options. Puis elle pourra se Oui. positionner individuellement en C'est fonction ça. de Elle qu'est-ce a qu'elle appris à veut. aimer le tofu. Bon. Mais c'est sûr que tu vois, comme moi, là, je veux rien savoir du tofu. Fait que, tu sais, ça dépend des Ah gens. ben non, il y en a beaucoup qui sont pas capables, C'est hein, ça. c'est Moi, sûr. je trouve que ça goûte rien. C'est sûr que tu peux mettre de l'assaisonnement. Oui. Mais. Moi, je l'assaisonne pour que ça goûte de quoi, là? Ça goûte. Mais moi, j'aime tellement ça que quand je coupe mon tofu, là, même sans assaisonnement, je le mange de même. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est Tous les. individuel. C'est comme la Ben oui. conscience qui amène une individuation pour faire le pont avec la Exact. conscience supramentale. Parce que l'instruction en lien avec la conscience supramentale qu'a amené Bernard de Montréal et d'autres personnes, la finalité ultime, c'est que la personne, elle s'individualise. C'est-à-dire qu'elle intègre la conscience de son esprit pour arrêter d'être soumise au collectif, à la programmation sociale, voire même la Exact. programmation alimentaire. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça le but, oui, c'est de se déconnecter de tout ça, tu sais, puis de voir toute l'incohérence, puis de plus embarquer dans cette incohérence-là, tu sais, c'est d'être en paix dans ce monde de fous-là, là, disons, Ouais, ben c'est le monde ça. des... C'est ça. C'est un défi à la centricité présentement dans l'époque de la crise du coronavirus, d'être capable d'être en Ben paix oui. psychiquement alors qu'on est entouré de gens qui vivent dans la crainte de la menace du Exactement. coronavirus. Donc, c'est un bon test pour la centricité. Oui. Puis tu sais, parce qu'en plus, les gens, on dirait qu'ils tiennent à te ramener vers le bas dans cette, tu sais, comme moi, mettons, bon, je parle avec ma mère, mettons, puis que je vais dire, ah, oh, moi, tu sais, ça me fait pas peur. Puis c'est vrai, j'ai pas peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, je dis pas que je me lave pas les mains puis que je fais pas attention, mais j'ai pas peur. Mais pour elle, c'est comme une inconscience de ne pas avoir peur, tu sais. Fait que, tu sais, là, dans ce temps-là, ben, elle va me ramener à des chiffres, au CHSLD, puis tout ça, tu sais. Fait que oui, c'est un défi de rester quand même centré puis de ne pas embarquer dans cette Exactement. peur-là qu'on veut nous imposer, tu sais. Parce que quand tu sors un peu de la normalité, on dirait que les gens cherchent à revenir te chercher, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'en vas où, de même, tu sais? Fait que... C'est ça, parce que après tout, la peur, ça amène une dévitalisation. Ça abaisse Oui. le taux vibratoire, le niveau d'énergie. Puis, tu sais, Énormément. exactement. Tu sais, pour moi, c'est pas intelligent d'avoir peur du coronavirus ou d'autres choses. Par contre, ça peut être intelligent de faire preuve de discernement. C'est sûr, comme tu dis, de se laver les mains ou d'avoir des mesures d'hygiène. Mais tu Ben prends. oui, C'est ça. c'est ça. Tu peux. Ben, tu sais, en lien avec ça, la vidéo que tu avais envoyée justement d'André Moreau, là. T'sais, qui parle de que lui, bon, il n'a pas peur du tout de ça. Puis, t'sais, Ah, ben lui, c'est sûr que t'sais, il a pour peur de certaines rien. personnes, vont dire, hey, il est fou, lui, t'sais, ça voyons donc. Oui, Puis, t'sais, ben mais moi, je c'est. ne le vois pas de même. Ouais. Je ne le vois pas pantoute de même. Je te dirais même que je me reconnais dans ses propos, mais que des fois, je n'ose pas dire parce que je ne suis pas rendue là encore à m'affirmer de même, mais je comprends son propos. Il faut arrêter à un moment donné d'avoir peur. Puis lui, il a tellement pas peur de le dire, là. C'est, en tout cas, moi, il m'épate. Ben c'est intéressant, tu sais. Parce que, dans le fond, ça nous donne une perspective de quelqu'un qui est libre de la crainte. Et puis, Exactement, oui. c'est sûr que ça tranche avec les médias de masse qui mettent Ben oui. l'emphase sur la peur pour conditionner Ouais, les c'est gens. complètement l'opposé, là, Ben, tu sais. c'est ça, exactement. Il passera pas à télévision pour dire ça, Ben, c'est en fait, sûr il et est déjà certain. passé à la télévision il y a environ 22 ans à l'émission de Julie Snyder, Le Point J, où il y Hey, a. oui, j'ai vu une vidéo avant-hier. C'est ça quand on échangeait là, avant Ouais. l'enregistrement d'aujourd'hui par courriel. Et puis, Ouais. ça a été son dernier passage sur les ondes de TVA. Et puis, lui, ce qu'il mentionnait par rapport à Julie Snyder qui posait la question, vu qu'il y avait, tu sais, il disait en début d'entretien, bon, qu'il y a plusieurs femmes, qu'il y a Ouais. des relations sexuelles avec plusieurs femmes qui, elles, sont libres, qui ont des relations sexuelles avec plusieurs hommes. Puis, lui, il a répondu à Julie Snyder qui lui posait comme question, Monsieur Moreau, est-ce que vous vous protégez? Puis là, du tac au tac, il a répondu non parce que je me sens pas menacé. Oui. Hey, ça a fait une tollée, là. Ah Et hey, oui, boy, oui. elle l'a pas pris, hein. Ça a été Ah, la elle était réaction automatique. déstabilisée. Je sais pas si tu as vu son visage, là. Elle était toute perturbée émotivement, là. Ah oui, hey, là, ça passait pas. C'est venu tout bouleverser Ah oui. ses idées. Puis là, tu sais, tout de suite Elle était pour totalement elle, ça décentrée a par été, hey, ça. là, il va influencer tout le Québec a pu se Porter le protéger. Puis là, condom. tu sais, hein. Ouais, c'est ça, tu sais. Elle a dit, je recommande Ouais. aux gens de porter le condom, mais il n'a pas dit aux gens d'arrêter de porter le condom. Il a tout simplement parlé de lui, mais il n'a pas C'est dit à ça. tout le monde d'adopter le même C'est sûr que si tu comportement. connais pas son ouvrage, puis sa philosophie et tout ça, oui, ça peut porter à confusion, ou, mais tu sais, il faut que tu ailles plus loin que ça. Tu sais, là, ça a comme resté en surface. Puis tu sais, je trouvais ça même à la limite déplacé quand il pose cette question-là. Tu sais, ça se fait pas, là, tu sais. Ben, elle aurait C'est pu. personnel, là. Ben, oui, c'est ça, c'est sa vie privée. Mais en même temps, Ben oui. bon, pour moi, qu'elle ait posé cette question-là, c'était pas problématique. Ce qui était plus Mmh. problématique pour moi, c'est qu'elle a déduit, elle a interprété que lui disait à l'ensemble des Québécois d'arrêter C'est ça. d'utiliser des préservatifs alors que c'était pas le cas. C'était pas ça, C'est là, le ça, message, là. lui, il parlait de sa vie. C'est sûr que c'est ça une philosophie particulière, là, puis c'est un Ben oui. immatérialiste, puis tu sais, il y a comme adage, il n'y arrive aux hommes que ce qui lui ressemble. Mais c'est sûr que c'est Que qu'est-ce intéressant. qui leur ressemble, hein? Ouais, c'est Ben, c'est ça. ça, c'est que son niveau vibratoire, tu sais, les attractions sont proportionnelles aux destinées. Donc, Oui. c'est sûr que, bon, en lien avec ça, ce que je peux mentionner, c'est sûr que si la personne est très sensible au niveau vibratoire, elle va être capable de capter des gens qui sont plus haut en vibration. Puis les gens qui sont plus haut en vibration, ils sont plus en santé, à la fois physique et psychique. Parce qu'il y a, ben, je mets une nuance parce que c'est pas nécessairement vrai, parce qu'après tout, Bernard de Montréal est mort du cancer. Mais il y a quand même, faut mettre des nuances aussi par rapport à ça, parce que quelqu'un qui commence en conscience, et il va avoir une certaine capacité à capter l'autre, mais ça prend une certaine sensibilité vibratoire qui s'installe avec le temps pour être capable de plus en plus de percevoir les autres en profondeur, puis voir le réel de Exact, qui oui. ils sont. Mais bon, ça s'installe avec le temps, mais c'est sûr que lui, ça fait des années qu'il donne des conférences, qu'il écrit, qu'il fait une étude approfondie de l'être humain, de l'univers, puis en fait de tous ces. Tout ce qui est au niveau du domaine des idées, étant philosophe. Mais tu sais, il y a tout un gros Oui. système, il écrit au-dessus d'une centaine de livres, là. Tu sais, il n'a pas dit ça, comment dire, du jour au lendemain, là. Tu sais, il y a toute une Non, non, non, démarche non, derrière c'est ça ça. qu'il faut mettre en contexte puis Exact. comprendre. Ben, tu sais, à ce niveau-là, ce que ça me dit aussi, c'est que, tu sais, comme moi, j'irai pas jusque-là, mettons, tu sais, parce que je le sais que je suis pas rendue là, tu sais, dans le sens que j'aurais encore des doutes, tu sais, mettons, comme, bon, par rapport au coronavirus, j'irais pas, mettons, au IGA, puis revenir, puis pas me laver les mains, parce que dans ma conscience, je suis pas encore là, tandis que lui, tu sais, comme tu dis, bon, il a écrit beaucoup de livres, il est dans cette conscience-là, puis tout ça, puis lui, il est sûr de son affaire à 100%, il y a pas de doute, là, tu sais, puis oui, je suis convaincue que tu peux te guérir de certaines choses, puis tout ça, mais moi, j'ai encore des doutes. Lui, il n'y en a plus. Mais Fait que c'est la correct, il différence est faut que là, tu tu te sais. respectes là-dedans, puis c'est correct, tu sais. Moi, je C'est trouve que c'est ça. plus pertinent de se respecter en s'écoutant que de brusquer les choses, tu sais, puis d'aller dans Ben, des directions qu'on n'est pas c'est ça capable exactement. d'assumer, Mais tu sais, il là. faut avoir l'intelligence de le voir aussi, puis tout ça. Puis, tu sais, lui, comme tu disais, ben, durant l'interview, tu sais, il parlait de lui, comme tu disais, là, tu sais, c'était pas de dire à tout le monde, tu C'est sais. ça, c'était pas dans une optique comme ça, puis Exact. c'est sûr que suite à ça, ben, il a disparu de TVA. Mais le point en lien OK. avec ça, c'est que lui, il ne se sentait pas menacé par le sida, alors que c'était au niveau mondial une crise, là, un peu comme le coronavirus, là, il y a plusieurs années, là, tu sais, les gens avaient peur du sida, et puis là, c'est le coronavirus, mais tu sais, lui, il se sent menacé par rien. Donc, Non, c'est ça. c'est ça, fait qu'il y a une perspective particulière sur la réalité. Vraiment très Ouais. particulière. C'est pas tout le monde qui peut adhérer à ça, tu sais. Parce Exactement. que si t'es pas dans cette conscience-là, ou si tu peux pas comprendre ses propos, Écoute, tu vas le prendre pour un hurluberlu, là, complètement sauté, là, tu sais. Un bouffon, même, à la limite, tu sais, mais Ah oui. c'est tellement loin de ça, Oui, là, c'est ben c'est vraiment, sûr mais que vraiment pas ça. c'est sûr que pendant plusieurs années, André Moreau a passé pour un humoriste ici au Québec. Parce que les gens ne comprenaient Ben, pas c'est son ça, hein, mais ça, tu vocabulaire, sais, son moi, propos. Oui. dans mon souvenir, là, avant que je l'écoute, parce que tu l'as proposé à un moment donné, justement, c'était pour les bénédictions. Ah non, c'est le sermon sur la montagne, moi, la première fois. Puis je l'ai écouté, puis écoute, ça m'a tellement, ça a fait waouh, qui c'est ça? Tu sais, puis là, je me suis rappelé, il me semble que c'était un humoriste, lui, tu sais, mais c'était pas ça pas tout, là. Oui, ben c'est ça, les gens ne le comprenaient pas, donc il a passé pour un humoriste pendant plusieurs années. Et puis c'est sûr que si on s'arrête puis on prend connaissance des mots, c'est sûr qu'il y a des fois des termes très techniques, comme il va parler du « je suis intussusceptif immanent OK, » j'ai dans pas son entendu ça. système. Oui, ben il y en a que il y a des enregistrements qui sont plus techniques, là, tu sais, mais si on s'y arrête, le « je suis », c'est l'être. Ouais. Intussusceptif, c'est-à-dire qu'il croit du dedans, puis immanent, c'est qu'il va rayonner à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui manifeste sa conscience puis elle fait rayonner dans son environnement, c'est un petit peu comme dans la conscience supramentale, c'est-à-dire partir de l'intérieur vers l'extérieur, de son centre, pour aller vers la Exact. périphérie, au lieu que ce soit l'extérieur qui nous envahisse puis qui nous vampirise nos énergies puis nous dise quoi faire. Oui. Donc, il y a des Ben. éléments qui vont dans le même sens. Fait que c'est pour ça que lui puis Bernard de Montréal m'ont beaucoup intéressé au fil des ans. Oui. Ben, c'est ce que je disais justement à ma reine hier. Je parlais justement d'André Moreau, tout ça, t'sais. Puis je disais, il y a beaucoup d'éléments qui rejoignent le supramental. Fait que c'est pour ça que moi aussi, je trouve ça intéressant, là, tu sais. C'est une autre vision, mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent. Fait que, C'est ça, il y a des éléments qui peuvent être mis en complémentarité à un certain point. Oui. Ben, tu sais, comme tu disais, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'arrêter à la forme aussi, tu sais, comme, ben, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui vont parler que c'est très intéressant qu'est-ce qu'ils disent, puis ça ressemble, tu sais, il y a beaucoup de liens avec le supramental, mais tu sais, si les gens n'ont pas nécessairement écouté Bernard de Montréal et tout ça, ils nommeront pas les choses exactement de la même façon. C'est correct aussi, tu sais. Il y avait eu des discussions sur Facebook parce que j'avais mis à un moment donné en ligne un enregistrement de Guylaine Langteau, Dies, puis ben, elle Oui. s'appelle Dies, c'est un mélange de Dieu puis déesse. Et puis Ça, c'est bon. nouveau, hein, qu'elle s'est appelée comme ça, parce que moi, quand je l'écoutais avant, c'était Gis, là. Gis, ouais, exactement. Là, tu sais, Bon, en tout cas. pour elle, elle va utiliser le concept d'âme. Ouais. Mais ce que j'expliquais à certaines personnes sur Internet, c'est qu'elle l'entend dans le sens de l'esprit, dans un vocabulaire supramental, mais dans son vocabulaire à elle, elle va parler de l'âme comme la partie la C'est plus ça. élevée ou vibrante de l'individu. Mais ça revient au même. Tu sais, quelqu'un utilise le terme ajusteur de pensée, âme, esprit ou être, Oui. comme André Moreau. André Moreau va parler de l'être. La traiter, oui, exactement. En fait, chaque personne peut avoir un vocabulaire, mais si tu t'arrêtes au mot, ben là, à ce moment-là, tu peux être bloqué dans la forme, mais en réalité, ça peut vouloir dire la même chose vibratoirement parlant qu'une autre Oui. personne qui va utiliser un mot différent. Fait que soit que la personne est rigide puis est fixée sur le mot ou elle a l'ouverture de s'adapter au vocabulaire de l'autre. Oui, c'est ça, il faut passer par-dessus la forme, tu sais, que ce soit des mots, que ce soit des situations, n'importe quoi. Mais oui, c'est ça, moi, comme l'âme, avant, dans mon vocabulaire, pour moi, l'âme, ben, c'est ça, c'était ça, l'esprit, c'était, tu sais, l'être, tout ça. Bon, tu sais, là, aujourd'hui, dans le vocabulaire, je sais que l'âme, c'est la mémoire et tout ça, mais il reste que j'étais pas aussi dans le champ que ça, là, tu sais. Non, exactement. T'as Même si probablement j'avais pas cap. tout le vocabulaire. C'est ça. T'es pas. Puis en fait, t'es pas obligé d'adhérer non plus au vocabulaire supramental. Tu sais, il y a Non, non. des termes que développé Bernard. Il y en a beaucoup que j'abonde dans le même sens, mais il y en a certains que non. Tu sais, il va parler par exemple de conscience jupitérienne. Jupitérienne? Oui, la conscience Ouais. jupitérienne. Moi, ça me parle pas parce que je trouve que ça crée une forme à caractère occulte en lien avec la planète Jupiter. Tu sais, c'est comme de dire il y a une conscience Ouais. martienne, il y a une conscience uranienne en lien avec Uranus. Non, moi, ce type de mot-là, ça m'interpelle pas du tout. Je vais plutôt parler de conscience libre ou de conscience vibratoire. Je trouve Oui. que ça crée moins de fascination. Donc, il y a des éléments, même par rapport à Bernard, que j'apprécie beaucoup, que je vais me distancier, parce que vibratoirement parlant, ça ne résonne pas avec moi. Donc, mais quand il parle, je suis conscience jupitérienne, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Pareil, ça n'empêche pas, mais moi, je ne vais pas adhérer nécessairement à sa forme puis la réutiliser par la suite. Oui, tout à fait. C'est ça, ben, tu sais, quand ils disent de ne pas croire non plus, puis tout ça, il faut y aller avec notre ressenti aussi. Puis ce que j'ai, mais en tout cas, que je commence à saisir aussi, c'est que chaque personne, dépendamment de où est-ce qu'elle est rendue aussi dans son évolution, tu sais, pour moi, quelque chose peut être réel, mais pour un autre, ça ne le sera pas parce qu'il n'est comme pas rendu là, tu sais. Oui, exactement. Je sais pas, j'ai de la misère à l'exprimer. Non, Mettons, non, pour toi, quelque mais. chose va être très réel, mais moi, ça ne le sera pas, je suis pas là. Fait que... Exactement, mais tu sais, en lien avec ça me fait penser, pour en revenir à Bernard de Montréal, puis à un moment donné, à un de ses enregistrements, il parlait des gens qui font de la chasse. Puis ce qu'il disait, c'est que lorsque la personne devient très sensible, elle ne pourra plus tuer des animaux. Ça va se faire automatiquement. Elle n'aura pas Oui. d'effort à faire pour ça. Tandis Non, que c'est si la ça. personne a encore la sensibilité de tuer des animaux, il disait, ben, laissez-la tuer des animaux, tu sais, est à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque la personne va monter en sensibilité, elle va connaître l'ouverture des centres, puis elle va être présente à qu'est-ce qui se passe, puis elle va voir la souffrance de l'animal, puis être totalement présente à ça, elle ne pourra plus. Ça va se faire naturellement. Tu sais, Oui. moi, je trouve ça intéressant comme principe. C'est-à-dire que quand la personne, à force de devenir sensible au fil des souffrances ou des événements de sa vie, à un moment donné, elle perçoit des choses. Puis quand même Oui. que l'autre personne y fasse un beau discours moral en disant c'est pas beau de tuer des animaux, faut que tu Ça respectes la donne vie, rien. ben c'est ça. Tant que la Tu sais, c'est comme, personne. mettons, un site sur Facebook qui parle du véganisme et tout ça. Tu sais, t'auras beau parler contre aller faire des manifestations. Aller, oui, ça peut amener certains gens à prendre conscience, mais ces gens-là étaient déjà rendus là. Tu peux pas amener quelqu'un à prendre C'est conscience de quelque ça, tu chose s'il peux n'est pas pas là. amener une C'est prise de clair. conscience de force. Parce que si tu cherches à forcer la conscience, la personne peut se conformer en apparence, à la limite, là. Tu Exactement. sais, elle peut dire, ah Mais oui, ça sera pas par c'est réelle ça, exactement, vibration ou, tu sais. exactement, exactement. Puis C'est si comme c'est. moi, Oui. le fait de plus manger de viande, tu sais, il n'y a pas personne qui m'a... Ça s'est fait automatiquement, comme tu disais, là, tu sais, justement, mettons, j'aurais été une chasseuse, ben j'aurais arrêté de chasser, là, c'est clair, clair, clair, là, tu sais. Ça Ça s'est s'est fait fait comme ça. naturellement. C'est ça. Puis, tu sais, j'aurais jamais pensé ça, tu sais, même moi, j'étais fumeuse avant, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, là, mais tu sais, je commençais déjà à aller dans une autre sorte de conscience. Puis ça s'est fait tout seul, puis j'aurais jamais pensé. J'aimais beaucoup, beaucoup fumer, tu sais. J'aurais même pas pensé à arrêter, tu sais. Puis même mon entourage, hey, boy, Yannick, t'as arrêté, tu sais, il était tout surpris. Mais ça s'est fait tout seul. Oui, exactement. Quand Fait ça a à se faire, ça se fait naturellement. que... Tu sais, il n'y a pas d'effort. Fait que là, à ce moment-là, on n'est pas dans une logique de conversion comme les religieux qui cherchent à évangéliser le monde puis propager la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Exactement. Donc, C'est ça. Ben non, mais tu sais, même si on parle à notre entourage, même si je parlerais de ça à peu importe à qui dans mon entourage, je veux dire, je passerais pour une folle de toute façon, ou tu sais, où j'étais dans une secte, là, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit de faire attention, tu sais, parce que j'étais sûrement dans une secte, tu sais. Fait que, tu sais, ça donne rien dans ce temps-là d'argumenter puis d'essayer de, ben non, tu sais, fait que... Non, exactement. Mais de toute façon, avec la saturation expérientielle, on en vient à se mêler de ses affaires. Ah oui. Moi-même, je l'ai vécu. Tu sais, au début, je découvrais le supramental, je vivais ça intensément, l'écoute des enregistrements de Bernard, puis j'ai voulu parler de ça à ma grand-mère, qui est dans la religion catholique là, jusqu'au cou. Prie à chaque jour, puis. Puis bon, ça l'a pas intéressé du tout. Ma mère un peu, mon frère ça l'intéresse pas. Puis avec le Ton recul, frère, ça l'intéresse, tu disais? non, ça l'intéresse pas. Non, pas. Non, OK. c'est drôle parce que ma mère ça l'intéresse un peu, mais elle reste beaucoup attachée encore à la religion, fait que c'est correct aussi, là, ça y appartient. Mais le point que je voulais faire, c'est qu'avec le recul, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, j'en aurais pas parlé là, du tout à ma grand-mère, là, tu sais. Puis, non, je m'aurais plus mêlé de mes affaires, mais. Non, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi aussi, au début, parce qu'on dirait qu'au début, il y a comme une fascination aussi en même temps. Puis, tu sais, pour nous autres, c'est tellement ça que on ne peut pas faire autrement qu'avoir envie de dire aux gens, de dire, garde, c'est ça, tu sais. Mais pour eux autres, c'est pas ça. Fait que, puis, tu Exactement, sais, on mais. perd de l'énergie. Premièrement, pour nous-mêmes, on perd de l'énergie à faire ça. Ça crée des tensions avec l'autre personne. C'est ça. Fait que, tu sais, puis je pense que j'ai compris aussi que l'amour, en fait, c'est ça aussi, c'est le respect de l'autre personne, hein? C'est ça. Exactement. Tu sais, c'est Le sûr respect que. des gens autour. Ouais, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr qu'en lien avec ça, je vais me réajuster. Et puis là, tu sais, je parle plus à ma grand-mère de conscience, puis ces choses-là. Donc, c'est de trouver une espèce de terrain d'entente avec les gens. Tu sais, c'est sûr que si une Oui. personne de mon environnement tripe sur la nutrition, ben là, tu sais, je sais qu'elle a une ouverture, fait, je peux y parler de ce que j'ai étudié en lien avec le crudivorisme. Oui. Mais si je sens qu'elle n'a pas une ouverture pour parler de conscience supramentale, ben j'en parlerai pas. Tu sais, Ben non, c'est ça, exactement. exactement. Tu sais, C'est moi, j'ai déjà ça. On dit oui. s'ajuste avec les gens autour Exactement, de là. nous aussi. Tu sais, si on veut quand même, faut continuer à. Tu sais, moi, au début, quand j'ai connu la conscience, tout ça, ben même avant, là, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, il y a comme un décalage, tu sais, avec ton entourage, tout ça, puis c'est pas évident à vivre au début, tu sais, même au travail, tu sais, à tel point que tu discutes de quoi, tu sais, à un moment donné. Tu sais, moi, c'est comme si j'avais perdu plein d'intérêts que j'avais avant. Fait que, tu sais, moi, j'étais bien passionnée pour ça, par toutes sortes de choses. Puis on aurait dit qu'il n'y avait plus rien, là. De quoi je vais parler, moi, avec les gens à cette heure, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte à un moment donné que c'est pas nécessaire d'être tout le temps dans la conscience supramentale non plus, là. T'sais. À un moment Exactement. donné, quand tu es au travail, ben tu es au travail, t'sais. Tu jases de travail, tu jases de ce que tu as fait de ta fin de semaine, tu jases, t'sais. La vie continue. Certainement. Donc, c'est sûr que, tu sais, comme moi, avec le temps, j'ai eu à m'ajuster avec ma compagne, parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, parce que des fois, je parle spontanément de conscience, des prises de conscience que je fais, puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, j'ai une topo à tout moment, ça à un moment donné, t'es tanné de m'entendre parler de conscience, dis-moi-le. Tu sais, j'ouvre la porte comme ça, une fois de temps en temps, parce que j'ai Ouais. tendance à plus parler qu'elle, puis c'est ça, tu sais, je laisse la possibilité de dire, ben, regarde, je suis saturé, puis on parle d'un autre sujet, là. Moi, par respect, mais tu sais, ça doit pas être évident parce que justement, tu sais, quand c'est ta compagne ou ton compagnon ou tout ça, tu sais, t'as besoin de partager, tu sais, ce que tu vis et tout ça. Tu Exact. sais, en lien avec ça, moi, bon, je suis célibataire depuis quelques années, là, mais tu sais, là, je me dis, mettons que je voudrais rencontrer quelqu'un ou tout ça, tu sais, ça serait pas évident pareil, là, tu sais. Mais j'imagine que ça se fait, mais en tout cas. Ouais, ça Mais, peut tu se sais. faire. C'est sûr que dans le fond, ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que tu peux vivre ta conscience sans nécessairement utiliser le vocabulaire supramental puis en parler. Tu sais, Ouais. ça peut être vibratoire, tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un, puis ta vibration d'être avec la personne, tu sais, elle n'a pas besoin d'avoir étudié l'instruction supramentale de Bernard de Montréal pendant 30 ans comme préalable, Ouais, OK, c'est bon, ça, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. là. Oui, parce OK, que... ouais, il peut avoir une vibration, mais même si c'est ça, OK, même si c'est pas dans la même lignée, comme tu dis, Bernard de Montréal ou quoi que ce soit, il peut quand même avoir une concordance, là, au Ouais, niveau c'est des ça. vibrations, là. Ouais, la Ouais. concordance énergétique. Parce que parler avec du vocabulaire de conscience, dans certains cas, ça peut être de la masturbation intellectuelle de haute voltige, si c'est récupéré par Oui. l'intellect. Donc, c'est pas une Ouais. garantie. C'est pas parce que quelqu'un utilise les formes supramentales associées à Bernard que ça veut dire qu'elle est nécessairement consciente. Non, c'est ça, de se gargariser de ça tout le temps, C'est c'est ça. pas. C'est pas Ouais. une garantie Ben, on le d'intégration. ressent même des Oui. fois, tu sais, sur les réseaux sociaux. Des fois, il va avoir des réponses, tout ça, tu sais, c'est extraordinaire, là, c'est bien écrit, il y a des termes merveilleux, mais tu sais. Ça vibre pas, mettons, tu sais, ou parce qu'il Ouais, y a c'est trop de ça. termes qui sont utilisés là-dedans. On dirait qu'il y a comme une composante qui est oubliée, tu sais. Ouais, Fait c'est comme que. si la personne met plus d'accent sur utiliser des bonnes formes pour impressionner les autres. Oui. Que au niveau c'est intellectuel, là, ça, tu sais, exact, exact, comme exact. une autre forme d'ego, un peu, si on peut voir ça comme ça, là, tu sais. Oui, ben il peut y avoir une forme d'orgueil de la connaissance qui se manifeste là-dedans, dans le sens que moi, je connais plus le vocabulaire que toi, tu sais. Ouais. Ça peut être une Ben même domination subtile. à ce niveau-là, depuis que je suis dans la conscience supramentale, même ça, on dirait que je commence à m'en foutre un peu, là, tu sais. On dirait que je commence à me foutre de ce que les gens peuvent penser de moi ou peuvent. Tu sais, comme avant, là, j'aurais jamais fait ça, ce que je fais avec toi, là. OK. Écoute, je sors de mon confort, là, tu peux même pas savoir comment, là. Tu Ah, sais, il y a mais. des gens pour qui ça c'est plus facile, tu sais. Mais moi, écoute, plus jeune, même faire tu sais, quand on faisait des oraux devant la classe, là, écoute, c'était Des exposés épouvantable, orales, là. ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, mais juste ça, pour moi, c'est énorme. Fait que, ça n'en dit beaucoup, en tout cas, sur ce que ça m'a apporté, là, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est bien de, comme on dit, de sortir de sa coquille. Oui, Donc, aller absolument. au-delà de sa zone de confort pour être capable de s'exprimer à travers le verbe. L'un des volets de l'intégration de la conscience supramentale, c'est à travers la parole puis les actions que ça s'intègre. Oui. Puis moi, j'ai compris que ça me manquait, ce côté-là. Justement, du fait, mettons, que moi, tu sais, dans ma programmation à moi, j'ai compris qu'il y a une composante, bon, de timidité ou de, tu sais, d'avoir peur de ne pas dire les bonnes choses ou tout ça, tu sais. Mais ça, Serais-tu je me suis rendu compte perfectionniste? que ça m'empêchait d'aller à un autre niveau, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, faut que je sorte vraiment de cette zone-là, puis que, tu sais. Fait que Exactement. juste ça, ce que je fais là présentement, tu sais, ça me fait du bien, là, c'est le fun, tu sais. Ben, tant mieux, parce que c'est un plaisir à partager. Donc, Ouais, c'était c'est ça, bien agréable. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est intéressant de discuter. Puis, c'est sûr que ce qui est intéressant avec la parole vibratoire, comme on le fait depuis tantôt, c'est que ça nous amène sur différentes pistes, dans différentes directions. Donc, Ouais, c'est ça, il n'y a rien de. Tu sais, c'est pas c'est des pas questions que linéaire. tu écris, puis que bon, il faut répondre à ces questions-là, puis il n'y a pas de plan, là, tu sais. Non, présentement, on se parle, là, puis il n'y a pas de feuille de questions devant moi, là. Je peux rassurer les Ben auditeurs non, et c'est ça. auditrices, là, il n'y a aucune feuille, Pas puis moi, je pantoute. suis le mouvement, puis, tu sais, ça Ben non, je parle. savais pas du tout, du tout, du tout de quoi que tu allais me parler, tu sais. Pas du tout. Fait que. Ça s'installe tout Non, c'est le fun, seul. ça. Ouais. Hein? Ça s'installe tout seul, la parole. Oui, c'est À un ça, moment donné, parce ça que. parle tout seul, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est intéressant parce que si on aurait dit 1.1, c'est tel sujet, 1.2, ça aurait créé une lourdeur énergétique. Non, c'est ça, ça. On est moins, comme tu dis, vibrant, tu sais, à ce niveau-là. Puis la parole est moins spontanée aussi, tu sais, là. On parle, puis c'est comme si on était dans notre salon, puis qu'on jasait, là, tu sais, de toutes sortes de choses, tu sais, puis c'est agréable, tu sais, fait que. Exactement. Puis, ouais. C'est sûr que la parole, ça c'est un autre aspect. T'sais, ça permet de manifester un taux vibratoire que les gens qui écoutent peuvent capter. Puis les gens, c'est sûr qu'ils parlent dans le cadre d'une entrevue ou d'une discussion, ben, peuvent en bénéficier. Donc, Oui. c'est sûr que c'est un outil Ben moi, intéressant. Oui. c'est ce que j'ai aimé beaucoup de tes entrevues puis tout ça, c'est que on se retrouve, moi je me retrouve dans certains invités puis tout ça, tu sais, fait que l'échange est agréable à écouter aussi. Puis tu sais, en même temps, ça donne des pistes, ça c'est intime, tu sais. Je trouve ça le fun, la formule en tout cas que tu utilises là avec tes invités. Ah ben tant mieux si tu apprécies. Parce que moi j'aime beaucoup écouter la radio. Donc c'est une formule très radiophonique, dans le sens que c'est en audio, la plupart des enregistrements que je fais. Puis en fait, moi je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup écouter en audio. Et c'est dans cette optique-là que j'œuvre. Tu sais, je suis très sensible là, à la parole, plus que le visuel, je te dirais, là, tu sais, des fois, j'aime fermer les yeux, puis écouter un enregistrement, puis de voir comment que je Ça résonne ou rentre je mieux comme vibre. ça. Ouais, c'est ça, exact. Tu l'intègres mieux comme ça. Ouais, je l'intègre plus d'une manière Ouais, moi aussi, auditive. je fais ça. OK. Moi aussi, des fois, mettons, je vais écouter un enregistrement, peu importe de qui, là, puis c'est ça, je vais mettre mes écouteurs, puis je vais tourner même mon portable, j'écoute sur mon portable, là, je vais le tourner, puis je vais juste m'étendre, puis je regarde pas, je vais juste écouter. On dirait qu'on perçoit d'autres choses aussi, tu sais, on élimine comme un sens, fait qu'on perçoit un autre sens comme au-delà de la vue, ou de, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, là. Mais en lien avec ça, j'avais tombé déjà sur les données d'une recherche scientifique qui expliquait que quand les gens centrent leur attention sur le verbal, ils vont plus capter puis détecter les émotions que s'ils voient la personne devant eux parler. Ah, Ouais. intéressant. Puis, OK, fait que c'est peut-être ça dans le fond c'est que je ça. capte là, quand que j'écoute, que je fais juste écouter, ouais. C'est ça, c'est que si tu es juste centré sur dans le thème de la voix, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être véhiculées, ou dans un langage supramental, ça peut être des vibrations aussi, là, tu sais. Puis, c'est sûr qu'en lien avec ça, moi, ce que je te dirais, ben, des fois, il y a des enregistrements d'invités que je vois sur Internet, là, de différentes chaînes YouTube, puis. Tu sais, bon, tu vois l'intervieweur puis interviewé avec un carré en bas ou en haut, mais c'est très statique. Donc, je vais faire d'autres choses en même temps. Je regarderai pas ça, mais je vais écouter. Tu sais, je vais faire ma vaisselle. Des fois, je vais faire à manger. Je vais souvent m'occuper en même temps que je vais Ouais, écouter je fais ça. ça moi aussi. Des fois même, je vais faire du ménage. Puis moi, j'aime pas faire. Je fais mon ménage, là, tout ça, mais c'est pas mon activité préférée. Fait que quand j'écoute justement des enregistrements ou tout ça, ben moi aussi je fais la même chose, là, tu sais. Je fais juste l'écouter, puis ça me donne comme un boost, là, tu sais. Exactement. C'est sûr que quand que j'écoute des enregistrements, moi, ma particularité, c'est que je vise à écouter des choses qui vont me rehausser vibratoirement ou me maintenir dans une certaine vibration, tu sais. Oui. Donc, c'est Oui, sûr. moi aussi, c'est Ouais. ça. On finit par détecter qu'est-ce qui nous fait du bien, tu sais, qui nous hausse, comme tu dis, vibratoirement, puis qu'est-ce qui nous fait pas grand-chose, puis qu'est-ce qui nous nivelle vers le bas, tu sais, fait qu'on finit par détecter ça, puis on dirait qu'on vient à un moment donné qu'on peut pas faire autrement que de vouloir s'élever, tu sais, au niveau vibratoire, là. Ben, c'est ça. Plus que tu intègres la conscience de ton esprit, ben, plus que tu vas chercher qu'est-ce qui va te nourrir vibratoirement, tu sais, plutôt que t'abaisser. Il y a une sélectivité qui se met en place, dans le sens que il y a certains conférenciers que je suis plus en résonance que d'autres que je vais écouter là, sur Internet. Puis avec le temps, ça a changé. Quand que j'étais dans ma période plus spirituelle, ben là, j'écoutais des trucs plus spirituels. Là, j'ai délaissé ça progressivement. Donc, C'est mais. ça va avec notre la vibration du moment. Ça peut changer. Oui. Tu sais, il y en a des fois. Bon, ça se fait pas nommer des noms, fait que je nommerai pas de nom, mais mettons, je n'avais déjà écouté un que il me disait vraiment pas grand-chose. Puis dernièrement, je l'ai réécouté, puis oups, ça, là, il y a de quoi qui a vraiment changé, là. Fait que là, ça m'a fait vibrer, tu sais. Fait que probablement qu'au début, quand je l'ai écouté, ça résonnait pas, là, tu sais. Exactement. C'est sûr que quand on change, ben, il peut y avoir justement un changement par rapport à ce qui nous intéresse à écouter. Même chose pour la musique ou pour les films. Parce que tout est interrelié, tu sais. Quelqu'un qui évolue en conscience va chercher des choses qui vont le nourrir en conscience. Et puis ce qui l'intéressait dans le passé, ça se peut que ça ne l'intéresse plus ou ça ne le parle plus. Tu sais, comme moi, par exemple. J'avais déjà été au festival d'été, là, voir le groupe Rammstein en spectacle. Ah Puis oui, je aujourd'hui, connais ça me parle Rammstein, ouais. plus. Bon, ben, moi, j'aime quand même écouter leur musique parce que ça me dynamise quand je vais m'entraîner en salle. Tu sais, pour ça, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les paroles des chansons, là, naturellement, mais le point, c'est que d'aller dans une foule survoltée avec des odeurs de marijuana et autres, ça me parle plus présentement. Non, Puis c'est sûr qu'en lien avec ça, tu sais, à un moment donné, mon frère m'avait proposé un billet pour aller les voir en spectacle. Puis même à ça, j'y ai pas été. tu le sentais pas. Non, je le sentais pas, ça me parle plus. Puis des fois, dans le passé, ce que j'observais, c'est que je me forçais à faire certaines choses, puis finalement, je la faisais, puis j'étais déçu. Fait que je me suis dit, je vais écouter mon intuition de base, ma première idée. Ouais, ben, on met de plus en plus de limites, même aussi avec nous, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, si on fait des choses juste, mettons, pour faire plaisir à quelqu'un, pour pas décevoir ou parce qu'il faut que ça se fasse, ben, c'est pas mieux. Après, tu sais, on revient puis on est dévitalisé, tu sais, pour réutiliser ce mot. Plus on le dit, mieux on le dit. Oui, c'est ça. Puis ça peut aussi. Moi, j'aimais beaucoup Éric Lapointe, tu sais. Dans le temps, puis là aujourd'hui, ben, t'sais, je veux pas dénigrer, là, mais t'sais, ça me dit plus grand-chose, t'sais, parce que c'est beaucoup les émotions puis tout ça, t'sais, fait que je suis plus là-dedans, là, fait que c'est sûr qu'à cette heure, t'sais, Éric Lapointe, j'ai été voir beaucoup de ses spectacles, mais là, j'irai pas, là, t'sais, fait que c'est ça. Donc, on évolue dans nos goûts puis dans nos choix, là, t'sais. Même au niveau de la nourriture aussi, là, t'sais, il y a certaines choses que je mange plus. Que je mangeais avant pour ça, tu sais. Ouais, même chose pour moi. Ben, c'est sûr que j'étais plus jeune parce que j'étais sous l'influence parentale, ben là, il fallait que je mange de la viande comme du steak haché. C'était beaucoup des recettes à base de steak haché, puis ça me parle pas, là, manger du steak haché présentement, là. Zéro puis une barre, donc c'est sûr, il y a des changements qui s'opèrent. Oui. C'est Ben, des intéressant. fois, on dirait que on avait l'habitude de faire quelque chose, mettons. Puis l'habitude, même si on sait que c'est comme s'il y avait un décalage, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que même si je sais que ça me fait pas du bien, comme mettons, moi, manger des frites, j'aime beaucoup les frites, mais je sais que ça me fait pas du bien. Mais on dirait qu'il y a comme un reste de d'ancienne idée là, qui reste là, puis j'en remange pareil, mais pourtant je le sais, tu sais. On dirait que je suis pas capable de d'arrêter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme Ben, des restants de vieilles de pensées vieille ou de. mémoire. Puis, ouais, des vieilles mémoires. OK, c'est ça, ouais. Une mémoire qui est comme difficile à partir, tu sais. Mais en lien Il y avec a un ça me fait décalage penser. Oui. entre ce que j'apprécie maintenant et ce que j'appréciais avant, mais elle ne veut pas disparaître. C'est sûr qu'en lien avec ça me fait penser à un enregistrement d'Hélène, pas d'Hélène, Irène, pardon, Grosjean. Puis elle, ce qu'elle expliquait, c'est quand les gens sont, par exemple, je dirais pas que tu es dépendante là, des frites, on s'entend, là, mais son propos, c'était par rapport aux dépendances alimentaires comme l'alcool, manger gras ou des chips ou toutes sortes de choses comme ça. Ce qu'elle disait, c'est que les gens. Au fil du temps, ils se sont comme programmés, conditionnés à ça, puis le corps en demande. Puis c'était comme pour compenser une alimentation qui n'était pas vivante. Donc, quelqu'un qui est pas nourri par quelque chose, bon, elle apprend le crudivorisme, là, que c'est quelque chose de très naturel, qui est porteur de vie, va manger d'autres choses, puis pour avoir une stimulation pour compenser le manque de vitalité. Mais là, on va chercher, par exemple, une saveur de groustilles, de chips prononcées ou boire de l'alcool ou des choses, tu sais, avec un goût assez intense. Puis là, le corps Ah devient addict de oui, tout OK. ça, Ou puis... quelque chose qui change notre mettons, on est en manque d'une vitamine ou quelque chose, mais on va manger une cochonnerie, mettons, qui va tout de suite nous donner une satisfaction. Ça, mais si on mange plus. Bon, mettons comme moi, présentement, là, je fais des pousses. Puis de la germination aussi, j'ai commencé à faire ça. Mais dans le fond, ce qu'elle explique, là, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'en en mangeant plus et tout ça, mon corps va moins chercher à se nourrir rapidement de quelque chose qui le stimule finalement, même si c'est pas bon là, en bout de ligne, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est de voir si en pratique ça va se placer comme ça. Ça, c'est une autre chose. Puis ça aussi, c'est par rapport à elle dans son rapport à l'alimentation. Ben, ça a du sens pareil. Oui. À voir. Oui, c'est ça. C'est un dossier comme à suivre. Parce que ces temps-ci, je revois souvent ces vidéos. Puis là, j'intègre l'information. Tu sais, elle a quand même une expérience de près de 60 ans en tant que naturopathe. Puis bon, elle est âgée de 90 ans. Puis on voit qu'elle est Elle est très quand même en lucide. forme, hein, Oui, très, parce que. très en forme pour son âge. Donc, des éléments quand même intéressants à prendre en considération. Ben oui, c'est ça. Ça parle beaucoup, là, tu Exactement. Donc, sais. Ça parle en sa faveur. oui, c'est ça. Fait que c'est ça, je m'ouvre de différentes choses. Ces temps-ci, j'ai découvert, grâce à la crise du coronavirus, différentes personnes dans le domaine de la santé, dont elle, il y a aussi Tal Chaleur. Moi, je suis allée voir quand tu as OK. proposé des vidéos là, de ta dernière ton dernier enregistrement, là. Je t'allais voir, ouais, il est drôle. Il Ouais, fait mais il y a le rire. sens d'humour, tu sais. Moi, ce que je. Ouais, j'en ai écouté un. En tout cas, tu parlais des médicaments là, pour ceux qui sont internés, tout ça, là, psychiatrie et tout ça. En tout cas, il est drôle parce qu'il se costume, puis tu sais, Ah oui, il joue des personnages, tu sais, il se prend pas au ouais. sérieux. C'est ce que j'apprécie le plus de lui. Pas en tout. C'est ça, parce qu'il a quand même fait des études en médecine, puis tu sais, souvent les médecins vont parler d'une manière sérieuse, puis ça va être austère. Et Oui, puis, c'est ça. moi, ce que j'ai Ils réalisé. s'identifient à la plupart s'identifient énormément à leur rôle, là. Écoute, C'est c'est ça, médecin, tout puis. ça. Mais lui, pas en tout, là. Exactement. C'est ça que moi, ce que j'aime dans les communicateurs, c'est ceux qui apprécient s'amuser. Donc, il y a lui, il y a le Doc Mayhew, tu sais, qu'il y a beaucoup Oui. d'humour dans ses interventions avec les auditeurs quand il fait de la ligne ouverte. Ouais. André Moreau aussi, tu sais, c'est comme, il a comme conservé son cœur d'enfant à l'âge C'est vrai. adulte, tu sais, il s'amuse comme un enfant, puis c'est dans cette Oui. conscience-là que je veux aller. Oui, exactement. C'est Oui, ça. comme tu dis, retrouver son cœur d'enfant, là, c'est. Tu sais, tu regardes un enfant, moi, je regarde ma fille, juste comment qu'elle est, tu sais, par rapport au coronavirus et tout ça. Elle, là, écoute, elle se lève le matin, là, puis elle s'inquiète pas de tout ça, ma fille, là. Elle joue, elle s'amuse, elle s'est remise très, très vite de tous ces événements-là. Fait que, tu sais, moi, j'observe beaucoup ça parce que c'est comme c'est une belle observation, je trouve. Observer un enfant être, là, c'est merveilleux. Oui, Ça nous exactement. en apprend beaucoup, beaucoup. C'est ça. Parce que autant les adultes ou les personnes plus avancées en âge peuvent nous apprendre des choses, mais ça peut être aussi les enfants. Oui. D'où la Juste perte. dans le comportement, C'est comme tu ça. disais, tu sais, André Moreau, qui a son cœur d'enfant, puis tout ça, ben, tu sais, je le mettrais à côté de ma fille, puis c'est comme le même enthousiaste, tu sais, un enthousiaste, c'est sûr que lui, il est adulte, il a vécu des choses et tout ça, là, c'est pas la même chose, mais l'enthousiasme de base est comme la même, pareil, tu sais. C'est beau à Exactement. voir. Oui, c'est ça. C'est être capable de savoir s'amuser. C'est sûr qu'un des volets de l'enseignement de Tal Schaller, que j'apprécie beaucoup, c'est que lui, il dit que habituellement, les sociétés occidentales, l'enfant, lorsqu'il est rendu à 3 ou 4 ans, ben là, les parents le conditionnent avec l'éducation, puis on dit là, c'est sérieux la vie, puis tu sais, Ouais, ils vont faut que tu bloquer te l'enfant places. dans ses mouvements naturels. T'sais, si l'enfant veut s'exprimer puis pleurer, ah non, tu fais pas ça. Il veut se fâcher, non, tu fais pas ça. Fait que l'enfant devient refoulé. Il va refouler les émotions. Puis par la suite, comme l'émotion ne circule pas, ben il va la réfléchir. Fait qu'il va tendance à Exact. intellectualiser. Puis ça va bloquer lui il dit, ça va bloquer le cerveau droit, où il y a la connexion avec le divin. Dans mon vocabulaire, la connexion avec l'esprit. C'est comme ça va bloquer, puis la personne va être beaucoup dans le cerveau gauche, l'intellectuel, suivre les règles, suivre les procédures. Puis la personne va être coupée du volet plus imagination, créativité, perception aussi de l'occulte qui est en lien avec ça. Oui, Donc. ben on voit même la différence quand notre enfant va à l'école, commence à aller à l'école, là, il y a un changement qui s'opère aussi. Tu l'avais avec L'enfant, ta on dirait qu'il fille? devient moins spontané, qu'il se plie plus aux règles, là, il devient, tu sais, plus. C'est ça, moins les émotions, il les refoule plus. T'sais, tu vois qu'il y a un changement, là. C'est triste à voir même. Est-ce que, sans toi à l'aise de répondre ou non, mais est-ce que tu as constaté ça chez ta fille? À un certain niveau, oui. OK. Mais j'essaye beaucoup d'y faire passer ça, ce niveau-là, parce que justement, c'est le fait que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, je pense que c'est bon pour elle, là. T'sais, fait que moi, quand qu'elle revient à la maison, puis tout ça, je parle premièrement, je lui demande comment s'est passée sa journée, comment ça a été avec les amis, puis tout ça, puis elle me dit tout. Fait que, tu sais, là, on va parler. Là, mettons qu'elle a eu de la peine, parce que souvent, les enfants, ils vivent beaucoup, beaucoup de rejets, là. C'est énorme, les rejets qu'ils vivent, tu sais. Il y a beaucoup, tu sais, ils sont inconscients, ils se font du mal sans le savoir, tu sais. Mais c'est sûr que si les enfants racontent pas qu'est-ce qu'ils vivent aux parents, ben on peut pas les diriger, fait qu'il faut poser des questions, tu sais. Fait que moi, quand elle vit des choses comme ça, ben je parle avec elle, je laisse vivre son émotion, tu sais, je dis que c'est normal, puis là, ben j'explique les choses pour ça, je suis avec elle, tu sais. Fait que je pense que je réussis à balancer un peu, là, quand même, là, mais c'est ça, faut le faire, parce que sinon, l'enfant devient conditionné. Tu sais, mettons comme du côté de son père, puis c'est pas pour. Mais tu sais, lui, il est plus dans la conscience traditionnelle, puis tout ça. Fait que, tu sais, si elle a de la difficulté en mathématiques, mettons, ben, il va la chicaner, ou tu sais, bon, là, tu vas refaire ton devoir. Puis ça, moi, je suis pas du tout dans cette conscience-là. Tu sais, je dis pas que je veux pas qu'elle réussisse, là, mais, tu sais, je la chicanerai pas, puis je la. Tu sais, fait que, c'est ça. Mais en tant que parent, on a un travail à faire, c'est sûr, pour les sortir de ce conditionnement-là, là. Ouais, ben lui, ce qu'il expliquait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il mentionnait que, par exemple, dans certaines sociétés autres qu'occidentales, par exemple, des gens qu'on qualifie de sauvages, mais ça se posait la question à quel point ils sont sauvages. Eux autres, il y en a qui vont vivre où ils vont exprimer, même à l'âge adulte, les émotions de manière spontanée. Fait qu'au lieu que l'émotion soit réfléchie par la personne, puis la personne reste pognée avec ça, avec une boucle de réflexion sans fin, puis elle développe des problèmes d'anxiété et autres. L'émotion est vécue spontanément, c'est très intense, ça va durer quelques minutes, mais après ça, la personne en retrouve sa joie de vivre, puis elle retrouve la paix de l'esprit, tu sais. C'est ça. Donc, Après, c'est fini. c'est ça. C'est comme une boucle qui s'est faite. La boucle s'est faite, puis c'est fini, tu sais. C'est Tandis que ça. nous autres, ben, on arrête la boucle. Fait que, tu sais, mettons, ben, nous autres, Ben, les certaines personnes, Occidentaux, en général, oui, là, les gens qui... aussitôt qu'il y a une émotion qui monte, on va l'arrêter. Fait que là, ben, c'est monté jusque dans la gorge, ben, pouf, on va avoir un mouton dans la gorge, on en va le C'est ça, on laisser a là, tu tendance à sais. bloquer puis à réfléchir parce que l'énergie n'est pas extériorisée. C'est ça. Fait que là, on va en vouloir à une personne, à l'événement, tu sais. Fait que, C'est ça, c'est fait que moi ça. je Non, trouve. on a beaucoup à apprendre justement de ces civilisations-là qu'on dit. Sauvage. Ouais. Exactement. C'est ça, C'est nous exactement. autres, les sauvages. Dans un sens, à un certain niveau, tu sais. Parce que ce qui est intéressant, ce qu'il mentionne, puis là, éventuellement, je ferai des enquêtes là-dessus, de la recherche, c'est qu'il y aurait des sociétés que, justement, les gens vivent comme ça, puis il n'y aurait pas de problème de santé comme nous autres, puis il n'y aurait pas de guerre non plus, parce que tout serait comme liquidé à mesure, puis les gens, ben, resteraient dans la paix, là, tu sais. Il n'y aurait pas Ben oui, de... parce qu'il n'y a pas de blocage, tu C'est sais. ça, exactement. Fait que ça, c'est un Ça, nous autres, élément... qu'on est malade, qu'on développe toutes sortes il y a plein de blocages, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça paraît sur le corps, là. Ben, c'est ça, tu sais, quelqu'un qui refoule beaucoup, ben, ça peut occasionner de la somatisation, développer des maladies psychosomatiques. Donc, c'est ça peut occasionner des problèmes de santé. Fait que c'est ça, c'est intéressant, tu sais, à prendre en considération. Puis, c'est sûr que présentement, à cause de la crise du coronavirus, que ça m'a amené à étudier davantage la santé. Puis différents intervenants que, bon, des fois je connaissais, mais je les ai revisités. Mais qu'on Et n'a pas le temps nécessairement, tu sais, de moi, ça. d'aller écouter, là. On comprend pas le temps. Oui, c'est Ça, ça. c'est un autre On aspect a comme aussi. d'autres priorités, tu sais, mais là, on Ouais. a tellement de temps que. Ouais, c'est ça, le contexte est propice à l'intériorisation. Vraiment. Et puis, ben, en lien avec ça, toi, comment tu vis ça, le fameux confinement? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour vrai, Bon. moi, je suis une fille qui s'intériorise beaucoup de toute façon, là. Fait que ça, pour moi, c'est pas un problème. Non, je n'ai pas de tension nécessairement face à ça. T'en Tu sais, souffres pas. tu sais, des fois, même à tel point que j'essayais d'aller voir à l'intérieur de moi et de me dire, coudonc, tu te caches-tu des choses, ou tu sais, ou. Mais non, écoute, la seule, m'a dit, ma seule tension, là. Parce que moi, en plus, j'étais en convalescence, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Mais ma seule tension, c'est de retourner au travail. Parce que là, je ne travaille pas depuis un moment. Puis là, ben, moi, je travaille dans un cégep. Fait que je ne retravaillerai pas avant un bon bout. Puis après ça, c'est de retourner dans tout ce brouhaha-là. Tu sais, fait que moi, c'est plus ça, ma tension. Mais là, ça, c'est de la projection dans le futur. Fait que je coupe ça, là. C'est la seule chose pour te dire. Tu sais, puis peut-être, bon, avec ma fille, tu sais, des fois. Bon, pas qu'on sait pas quoi faire, mais tu sais, comme là, il envoie des choses à faire pour l'école et tout ça, tu sais. Fait que là, je me mets une pression, tu sais, ouais, faudrait peut-être que, bon, là, je vais faire des maths, tu sais. C'est les seules tensions que je vis. Puis mon voisin, qui fait beaucoup de bruit aussi en bas, là, sinon ça va. Ben, finalement, j'ai envie, hein, à force d'en parler. Oui, c'est ça, tu as quand même énuméré plusieurs tensions. Ouais. Mais c'est sûr que le point en lien avec ça, c'est que, tu sais, ben, c'est intéressant si tu es capable de justement de vivre avec toi-même puis d'avoir apprivoisé la solitude, comme on dit, hein. Ouais. Parce que moi, c'était Non, c'est ça, j'ai mon. pas de problème C'est avec la ça. C'est solitude. ça. Moi, je n'ai pas de problème non plus avec la solitude. Bien que j'ai une compagne dans ma vie, on ne fait pas vie commune. On se voyait plus les fins de semaine. Puis, tu sais, c'est bien parfait pour moi. Puis, on discute par téléphone là, pendant la période de confinement, étant donné qu'on n'est pas à la même adresse civique. Ça doit Donc, pas être évident quand même, par exemple. non, c'est ça. Mais bon. Vous allez avoir hâte de vous revoir. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, moi, quand que j'étais jeune, j'étais très intériorisé. Et puis, je jouais souvent tout seul pendant plusieurs heures, puis je m'ennuyais pas. Puis, si je pense à mon passé, comme ma mère m'amenait à aller dans des camps de jour, des activités plus avec d'autres personnes, mais j'aimais pas ça. Tu sais, moi, mon inclinaison fondamentale, c'était plus d'être seul. J'étais plus solitaire. Ouais. Ben moi aussi, c'était pas mal comme ça, là. T'sais, je me faisais pas mal mes histoires. Je me souviens que non, je m'ennuyais pas. Écoute, j'avais toujours de quoi à faire. Puis il me semble que t'sais, il y a des enfants qui ça, t'sais, comme ma fille, elle est très, très sociable, elle a besoin plus de voir des gens, tout ça, t'sais. Mais non, moi, je m'occupais vraiment toute seule, puis comme toi, là, j'avais pas de. Fait que je suis encore comme ça aujourd'hui, mais toi, tu me sembles quand même une personne quand même pas mal sociable en même temps aussi, hein? Ben, à un certain niveau, c'est-à-dire que je Ouais. vois, tu sais, si tu regardes ma chaîne YouTube, tu vois que je fais plein d'enregistrements avec plein de monde. Ouais. Puis oui, j'aime ça discuter avec des personnes, mais il y a une sélectivité dans le sens que il faut que je me sente sur la même longueur d'onde que les personnes que j'interview. Comme je disais tantôt, parce que tu sais, je n'irais pas parler 2 heures de temps d'appui puis du beau temps avec quelqu'un, là. Ben non, c'est ça, à un moment donné, c'est des sujets qui gazent un peu, là. Ouais, c'est ça, tu sais. 5, 5, 10 minutes de ces sujets-là, c'est suffisant. Ouais, c'est ça, parce Ouais. qu'à un moment donné, c'est comme... parce qu'il y en a beaucoup qui parlent au niveau de la forme, puis bon, pour établir un lien social, de dire comment il fait aujourd'hui la température, c'est correct. Oui. Mais si ça se prolonge pendant toute une conversation, moi, ça m'ennuie, là, tu sais. C'est comme une Ah oui. sous-stimulation vibratoire pour moi. Ah oui, moi aussi, je viens qu'à un moment donné, ça m'agresse même, tu sais, au niveau énergétique, là. Non, je suis pas. Moi, j'aime ça quand, même des fois, tu sais, même si la personne n'est pas dans une vibration supramentale, puis tout ça, puis qu'elle va parler plus, mettons, de ses problèmes, plus au niveau psychologique, tout ça, mais je trouve ça quand même plus intéressant. Au moins, il y a quelque chose qui se passe quand même, tu sais. Fait que moi, je sais qu'avec mes collègues, là, quand on parle plus à ce niveau-là, parce que moi, je sais pas pourquoi, mais les gens viennent se confier, là, t'sais. Ah, Fait que. ben, je peux comprendre pourquoi, parce que bien que ce soit le premier entretien qu'on fait ensemble, depuis tantôt, ce que j'observe, c'est que tu as une bonne écoute. Oui. Donc, Ben, habituellement, c'est pas moi qui parle. T'sais, là, on dirait que j'ai beaucoup de choses à dire, mais habituellement, là, c'est vraiment les autres plus qui vont parler, t'sais, puis moi qui vais comme plus questionner tout ça. c'est Fait ça. que, mais dans ce Oui. temps-là, je trouve ça agréable quand même, même si c'est pas dans une conscience vibratoire ou, tu sais, je trouve ça le fun. Mais quand on parle de la pluie puis du beau temps, puis, oh, écoute, non, moi aussi, ça amène une tension, là, fait que. Exactement, mais tu sais, même parler de psychologie générale, parce que des fois j'écoute le Doc Mayou, mais des fois ça peut être vibrant à certains moments, tu sais, même lui, s'il ne parlera pas de l'esprit, de l'âme, ces choses-là, des fois, moi ce que je capte quand il parle, avec une certaine spontanéité, des fois il y a des choses c'est très vibratoirement ajusté, tu sais, je trouve ça intéressant. Donc, tu sais, ce que je veux Oui. dire, c'est que c'est pas nécessairement, comme je disais tantôt, avoir le vocabulaire supramental pour que ça soit vibrant, tu sais. Non. Sauf que comme tu dis, quand c'est au niveau psychologique, mettons, mais que c'est des plaintes, tu sais. Ah Des oui, fois, c'est ben, souvent des plaintes. Puis là, tu sais, puis tu te rends compte des fois que la personne, c'est sans jugement parce que, écoute, j'ai passé par là, moi aussi, puis je suis sûre que je le fais encore des fois sans m'en rendre compte, là. Mais tu sais, on dirait que c'est comme tout le temps la même boucle, tu sais, qui revient, là. Ça devient un moment, ça m'épuise, Ah par ouais, ben, la exemple, même tu chose sais. pour moi, là, tu sais, quelqu'un qui passe Ouais. son temps à se plaindre puis il veut pas trouver de solution au problème ou se mettre en action. pour régler C'est la ça. problématique. Pour moi, c'est une perte de temps, en effet. C'est comme Ouais. un ordinateur qui tourne en boucle, Ouais, comme un puis... programme hein, qui est là, Ouais. puis qu'on dirait que le programme, il est tout le temps, il saute, tu sais, il revient tout le temps Ouais, c'est ça. au C'est comme début. si Puis tu tu sais que commences... même si Ouais. même la personne, elle veut même pas que tu lui dises d'autres choses ou elle veut pas sortir Ouais, il y beaucoup. en a qui se complaisent là-dedans. Ils Ben se oui. complaisent dans le rôle de victime parce qu'il y a des bénéfices secondaires Oui. associés à ça. Ah oui, Comme puis ça, d'avoir c'est très, l'attention des très, gens. très épuisant, Oui. puis très énergivore aussi. Ouais. Moi, je voudrais pas faire ça à personne, tu sais. Puis si je le ferais à quelqu'un, je voudrais qu'elle me le dise parce que c'est en tout cas, ça demande énormément de l'énergie à l'autre personne. Fait que, tu sais. Mais là, moi, il faut que j'apprenne. Justement, vu que les gens viennent souvent me parler, il faut que j'apprenne à couper ça des fois. Puis là, ben, c'est ça. Ça va être ça mon enjeu Ben, futur. c'est ça, tu auras à mettre tes limites. Ah oui. Oui, parce que là, à un moment donné, parce que quand tu commences à te choisir, rendu là, tu peux plus, là, tu sais, Ben oui, parce qu'il non. faut que tu fasses respecter ton individualité. Ben oui, C'est c'est ça. ça, tu sais, il y a un adage qui dit dans la nutrition, ton corps, c'est pas une poubelle, ben ton esprit non plus. Moi, c'est ça. Sais, Exactement. Il y les a des gens autres qui ont... vont venir lâcher leur poubelle chez vous, tu sais, Ouais, c'est ça, justement, au là, tu niveau sais... émotionnel, tout ça, parce qu'ils savent que, tu sais, quand tu es justement, tu sais, moi, j'ai une sensibilité, fait que quand tu es sensible, les gens le sentent, hein, même si, sont pas dans une conscience, quoi que ce soit, ça se ressent, ça. Fait qu'ils sont portés à venir justement vider, tu sais. Fait Exactement. que, C'est ça. oui. Puis c'est pas parce qu'une personne développe une capacité d'écoute qui est grande à mesure qu'elle affine sa sensibilité qu'elle a nécessairement écouté tout le monde pour autant. Non, pas du tout. C'est pas, non. Je me rends compte que c'est pas intelligent, pas du tout faire ça non plus, tu sais. Non, c'est Fait qu'à un ça. moment donné, j'en suis même venue à me dire, écoute, si la personne prend aucune conscience, tu sais, si la personne fait ça envers moi, c'est parce qu'elle, sans le savoir, là, elle n'a pas de respect, tu sais. Quand tu fais ça à quelqu'un, il y a un respect qui n'est pas là, une inconscience qui C'est est là. ça, ouais. Fait que pourquoi, moi, j'écouterais son irrespect, tu sais, à un moment donné? C'est comme Ouais. si je ne me respectais pas moi-même. Je respecte l'autre au lieu de moi. Ça n'a pas de sens, tu sais. C'est ça, pourquoi que tu sacrifierais pour faire plaisir à l'autre si l'autre ne te respecte pas, tu sais? Ben, c'est ça. Fait que, Fait que exactement. c'est ça, à ce moment-là, il n'y a pas d'échange réel, tu sais? La C'est relation n'est ça. pas équilibrée, là, énergétiquement Oui. parlant, là, ouais. Fait que c'est ça quand je te disais, tu sais, la tension de quand je vais retourner travailler, parce que même si j'aime bien mes collègues, il reste qu'il y en a beaucoup qui viennent qui viennent faire ça. Fait que ça va être un enjeu pour moi, mais ça va se faire, c'est sûr. C'est ça, mais si tu as à mettre tes limites, ben, ça va t'amener à développer l'affirmation de soi. Tout à fait. Ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que, tu sais, il y a des gens qui vont beaucoup se développer dans le pot de la réceptivité de l'autre. Mais si c'est juste l'écoute de l'autre au détriment d'eux autres, ben, c'est ça, c'est eux autres qui sont en perdant avec le temps, là. Puis ça Exactement. crée Puis des lourdeurs oui. énergétiques, ouais. De toute façon, ça ne fait pas de bien. On a parlé un peu tantôt. T'sais. Ça ne fait pas de bien à personne, ce genre d'échange-là, de toute façon. T'sais. Même l'autre personne qui déverse ses émotions puis tout ça chez vous, on dirait qu'elle n'est pas mieux pareil après. Ben T'sais. non, elle peut être Elle a un puissant. peut-être un petit sentiment d'énergie quand elle repart, mais il ne reste pas ce sentiment-là. Fait que. Ben, en fait, elle peut avoir une certaine satisfaction de se sentir écoutée, d'avoir l'attention, mais ça Ouais. réglera pas son problème. T'sais, C'est ça. son problème de fond, ça le réglera pas, t'sais. C'est Puis ça. Fait que c'est c'est. pour ça l'énergie qu'elle a réussi à tirer un peu, ben, elle va la reperdre aussi vite parce que son problème il est encore là. Fait qu'il revient, c'est pas trop long, tu C'est sais. ça, puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça règle pas la cause derrière le problème, le fondamental. Fait que, c'est ça, c'est une perte de temps. Puis, lorsque la personne aura saturé de son problème, ben, elle se mettra en action concrètement pour le régler, là. C'est ça. À un moment donné, comme on disait tantôt, on est tanné de souffrir, fait qu'on fait des actions pour arrêter. Exactement. Oui. Fait que, tu sais, il y a un phénomène de saturation énergétique qui s'installe naturellement, là. Oui. Tu sais, Ça se fait tout seul. exactement. Puis tant que t'es pas rendu là, ben c'est ça. Ça se fait pas. Puis à un moment donné, ben t'en peux juste plus. Puis c'est comme si ton corps n'arrivait plus à absorber là, de toute façon. C'est soit que tu restes dans le fond du trou, ou ben tu ressors et tu refais ça autrement, tu sais. Fait que... Exactement. Donc, étant donné que le temps file, puis ça fait Oui. presque 2 heures de temps qu'on discute ensemble, je voudrais à présent compléter l'enregistrement avec toi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter qui n'a pas été mentionné ou... Ben, je voulais juste te dire, ben, je voulais te remercier pour ta chaîne parce que grâce à toi, j'ai découvert beaucoup de choses au début. Je trouve ça le fun aussi que tu mettes des liens puis tout ça quand tu fais des vidéos. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant aussi parce que tantôt, tu disais que tu parlais pas beaucoup de toi, tu sais, quand tu t'écris et tout ça. Mais par contre, on finit par te connaître dans tes vidéos. Je trouve ça intéressant. Je voulais juste te le mentionner parce que si je parle avec toi présentement, c'est parce que tu as vu que je te suivais là, depuis longtemps. Tu sais, fait que, je trouvais ça intéressant de te donner mon feedback là, par rapport à tes vidéos parce que tu fais quand même un travail colossal, là, tu sais. Je sais que tu le fais pour toi aussi, mais il reste que ça profite à beaucoup de gens. Fait que quand même, je trouvais ça important de te le dire. Ben écoute, ben je te remercie pour cette gratitude de ta part. Et puis, bien entendu, je te remercie également pour avoir accepté mon invitation de faire Ben, un c'est un enregistrement plaisir, avec vraiment. moi. Puis, j'ai eu bien du plaisir à discuter avec toi aujourd'hui. Et c'est sûr qu'en terminant, je rappelle aux gens qui nous écoutent présentement que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Annick, eh bien, vous pouvez aller sur son blog, dont les coordonnées figurent en bas de l'enregistrement présent, vous allez pouvoir retrouver des textes qu'elle a écrits. Et puis, sinon, ben, je mentionne de nouveau que s'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements, parce qu'il y en a au-dessus de 400 que Il y j'ai en a fait au fil beaucoup. du temps, ben oui, c'est ça, j'en ai fait des tonnes et C'est des ça, tonnes quand de je disais un copies. travail colossal, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'en ai fait beaucoup d'enregistrements audio. Donc, s'il y en a qui apprécient ça, ben c'est sûr que vous pouvez... faire un virement d'argent selon ce que vous sentez là, par PayPal ou Interac, là, naturellement. Donc, c'est ce qui va conclure la discussion d'aujourd'hui. Et puis, bien, je vais te dire à bientôt. À bientôt. Merci, David. Bye Bye-bye. bye.